Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée de la techno à un autre niveau. Je vais gagner votre animateur et je suis accompagné cette semaine par Luc Desormeaux. Salut Luc! Salut Jean-Benoît! Et invité spécial en l'absence de Daniel, on a avec nous JS Chapleau. Salut JS! Salut guys, ça va bien? Oui, ça va très bien. Expertise internationalement reconnue en zombie. J'avais besoin de quelqu'un qui s'y connaît pour parler de mon sujet de tantôt, dont je vous dévoile absolument rien pour le moment. Oh, que je vous tease. Oh, shit. T'es là pour ça. Mais on va aussi parler d'un autre film cette semaine, spécial Batman et Zombie, mais pas les deux mélangés, séparément, mais quand même. Et ben le film, c'est le tout nouveau de DC qui est sorti en animation. Ça s'appelle Batman Unlimited Animal Instinct. Donc, Batman sans limite, l'instinct animal. Ouais. Ça le traduit, là. On dirait qu'en français, ça a un petit peu moins de pogne. Ouais. Mais c'est pas mal ça pareil. Ben, ça a moins de pogne, mais c'est tout à l'image du film. Donc, tant mieux. Ça fit plus. Qui veut nous faire un synopsis? JS, à toi l'honneur. Vas-y, JS, t'es notre invité, là, je te laisse aller. J'avais rien préparé. C'est là que je vois que j'embarque dans votre show comme un gars. Je me suis dit, je vais me préparer, ça va être cool, mais j'ai absolument rien préparé côté synopsis. Moi, je sais qu'il y a des notes, tu me sens avant. J'ai tellement des notes, tu sais, avec moi, d'autres, il est super fier, là. JS, il se vantait, là, tel un pan. Première affaire, je demande, il l'a pas. Check d'un dent. Exact, c'est ça. Ton OneNote est down, quoi, est-ce que tu penses? Ouais, c'est pas mal ça. D'ailleurs, j'avais pas Internet de l'une heure, fait qu'on est quand même pas assez chanceux. Mais, ok, ben, synopsis rapide. J'ai hâte d'entendre. Ça commence en feu. Oui. Ça commence dans l'action. T'as Batman et plein d'autres personnes de l'univers des gentils de DC. Donc, t'avais Arrow, t'as The Flash, t'as comment ça s'appelle? Nightwing, exactement. T'as Robin. Ouais, Green Robin. Red Robin, ouais, c'est Red ça. Robin, pas Green fait Robin. Fait que t'as comme plusieurs personnes du bon côté et t'as un espèce de scheme des ennemis qui sont organisés par Pingouin. Le Pingouin. Qui se bâtit une tour énorme dans Gotham qui est censée être, entre parenthèses, plus grande que les autres, même si des fois tu remarques les buildings autour qui ont l'air plus grands, mais ça c'est un détail, on en parlera plus tard. Puis le but en gros, là, c'est lui, il fait affaire avec toutes sortes de méchants qui sont tous basés sur des animaux que je connaissais toutes pas parce que je connais fuck all de DC. Donc, c'est pas pour cette expertise-là qu'on t'a invité. Exactement, exactement. Donc, je lis mes notes, Silverback. T'as un crocodile que je me rappelle pas de son nom. Killer Croc. T'as une fille qui est comme un cheetah. Elle s'appelle Cheetah aussi. C'est vraiment. Salut! C'est ouais. Super concept. Ouais. Puis, t'as aussi. Ça, c'est vraiment. Moi, j'ai trouvé ça super original. Man Bat, qui ouais. est un. Qui est le contraire de Batman. Mais exactement. Qui est une vraie bat. Les plus connus de l'univers des méchants, ce serait Killer Croc et Man Bat, qui sont quand même utilisés de temps en temps. Mais Killer Croc, je l'avais vu dans d'autres choses. Fait que ouais, déjà, ça donne un indice, en effet. Puis dans les jeux. Killer Croc est dans Arkham City ou Arkham Asylum. Non, Asylum, il est dans le premier. Ouais, c'est ça, il était dans les égouts, puis là, il faut que tu t'ouvres de lui. Là, fait qu'il est là. Là. Exact. Fait que dans le fond, cette gang-là font un espèce de scheme pour culminer vers la destruction de Gotham potentiel que notre cher ami Pingouin organise. Hey, on va le spoiler ce film-là, hein? On va tout ouais, dire. C'est vrai que j'apprécie le faire. On veut éviter que les gens l'écoutent. Ben, je sais pas, c'est une perte de temps. Oui, c'est ça. Faites pas ça, là. Donc, le but, c'est d'attirer une météorite qui passe par là. De l'attirer sur la ville de Gotham sans supposément détruire la planète Terre, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas clair. Je pense que le pingouin, il n'est pas fort en physique. Non, hein? Et c'est pas Batman la grosseur est... du météorite, mais ça a comme plus ou moins été expliqué déjà en partant. Fait que... C'est ouais. Ça. Démosthène, quelque chose. En tout cas, la météorite a l'air comme super huge là, quand il la présente, puis le dôme au-dessus, parce que le but c'est de protéger le pingouin et sa gang en dessous d'un dôme magnétique, en tout cas des lasers, whatever, là, et que eux autres soient épargnés, mais toute la ville alentour de Gotham meurt. Exact. Ouais, en tout cas, on va y revenir à ça, parce que sa motivation, moi, elle m'a irrité un petit peu. Ouais, il y a pas bien d'autres affaires qui m'ont irrité un petit peu, mais oui. Oui, ça particulièrement, là, dans mon cas. Là. Ouais, puis c'est pas le genre d'affaires qui irrite que tu peux te mettre de la crème puis ça fait du bien. Là. C'est vraiment irrité à l'infini. Exact. Juste le bon côté de la chose, peut-être, c'est que ça se passe dans un futur simili-lointain, beaucoup ça, c'est le futur où est-ce que... Ouais. C'est le futur où est-ce que tout le monde parle anglais, mais aucun ordinateur, il y en a des mots en anglais, sauf le mot « danger mm-hmm. ». C'est ouais. Le seul qui est écrit en lettres. Le reste, c'est tous des signes, ça a l'air pas clair. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même pas si pire. On voit que Batman teste un nouveau suit où il peut vraiment voler, puis toute la patente. Pis... Il fait comme du deltaplane, genre. Ouais, puis là, il arrive, il retourne à la Batcave, un moment donné, puis il dit à Alfred ouais, finalement, il n'est pas tout à fait au point, il faut que je refasse des tests. Puis là, le restant du film, il était avec son vieux sou plus similé normal. Là. Fait que c'est comme un peu. Ok, ouais. Ouais. Au début du film, c'est moi où est-ce qu'il est comme son sou, il y a comme l'écriture rouge dessus. Ouais. Puis là, après ça, à un moment donné, Nightwing arrive et lui, son sou est noir et rouge. Et là, j'ai fait, c'est-tu Batman? Mais si c'est Batman, comment ça qu'il y a un autre Batman? J'étais quand même vraiment mêlé pendant un bout de temps. Là. Parce qu'en plus, les faces sont toutes pareilles. Là. Moi, j'ai aucune connaissance de DC. Fait que moi, je pensais que c'était genre Robin 2.0. Ce qui est dans le fond, Nightwing, c'est Robin aussi, là, je pense. Nightwing, ouais. c'est un ancien Robin qui a décidé de partir à son compte. Ah, c'est bon. C'est excellent. C'est ça. Il trouvait qu'il était sous-payé avec Batman. Fait qu'il C'est Dick Grayson qui décide de m'emmener le Batman de Chris O'Donnell, finalement. Là, Je sais que c'est un sacrilège de parler de ces films-là, mais bon, c'est lui qui devient Nightwing à un moment donné. Puis là, ben, Batman se ramasse un plus jeune Robin. Ce qui est drôle, moi, je l'écoute en français parce que, bon, souvent, famille oblige. Puis, c'est les mêmes voix que les autres séries de DC. Donc, Batman, c'est le même gars qui fait toujours Batman ouais. en français. Robin, c'est le même gars qui fait Robin en français. Nightwing, etc. C'est toujours les mêmes voix qui reviennent. Ce qui fait au moins que c'est familier. Tandis que quand tu l'écoutes en anglais, c'est vraiment n'importe quoi, n'importe où. Là. Je veux dire, je pense que c'est la quatrième personne différente qui fait Batman. Ça dépend du budget, ça dépend du type de film. T'as pas toujours les mêmes voix qui vont faire Batman, ce qui est un peu achalant à un moment donné. Mais c'est ça, c'est à peu près le seul côté positif du film, c'est que ça se passe dans un futur, bon, comme j'ai dit, simili-lointain. Mais c'est bizarrement tous les mêmes personnages avec tous les mêmes noms. Donc, c'est les mêmes personnes dans un futur lointain qui sont les mêmes personnes que tu retrouves dans... Ce qui veut dire que l'époque n'a absolument rien à voir. Ça ne change rien. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'est le même Batman des années 2000 qui est en quoi? On est peut-être en 2100, 2200. J'ai aucune idée. Là. Je me rappelle pas quand est-ce que c'est situé, mais c'est le même monde finalement. Fait qu'ils ont juste comme transposé puis... C'est comme si c'était un what if. Là. Il y avait des bandes dessinées, à un moment donné, c'était des what if. À un moment donné, c'était si Batman était comme ça ou si Superman était méchant ou peu importe. Mais on dirait que c'était comme si Batman se passait dans un futur lointain ou un futur pas si lointain. Fait que j'ai trouvé que c'était le seul bon côté du film. Pour le reste, l'animation est pas pire, mais rien d'éclatant. On s'entend que c'est fait pour les enfants. Là. C'est pas les combats qu'on a eu dans Batman vs. Robin, où est-ce que là, moi, je trouvais que l'action, même si, écoute, un combat entre Batman puis Robin, à la limite, là, ça avait plus ou moins de sens, puis surtout comment ce qui est amené, c'était ordinaire, là. L'histoire était ordinaire aussi, mais au moins les combats étaient beaux à voir. Là, c'est même pas le cas. Là. Je trouve que tout est lent, tout est... arrêt sur image, là. Ouais, c'est ça, arrêt sur image, on va zoomer, hop, il va attraper l'autre, puis là, il va faire son flip, ou, tu sais, c'est comme, il y a zéro dynamisme, là. On dirait qu'il se passe rien dans ces combats-là. Ouais, puis c'est l'espèce de manière aussi qu'on traite certains personnages, excuse-moi, mais Flash là-dedans, là, il est totalement inutile, là. Il y a une place qui sert à quelque chose, pour le reste du temps, c'est un running gag, chance COVID en plus, là. Mais il est niaiseux, il se plante dans des murs, il est facile à pogner. Tout le monde, il fait des jambettes. C'est le gars le plus rapide au monde, n'importe qui est capable de le pogner. C'est comme, c'est quoi le but? Puis en même temps, à l'inverse, Green Arrow est censé viser comme un dieu tout le temps, faire mouche à tous les coups. Puis je sais pas, là, son ratio, c'est en bas de 10%. Là. Non, on dirait le power play du Canadien. Là. Il touche tout, mais ses flèches, on dirait qu'ils sont faites en carton. Aussi. Il frappe de fois, puis il se passe rien. Ah non, il en manque beaucoup, là. Soyons francs, il en rate plusieurs. Puis c'est-tu juste moi, là, mais... OK, le pingouin se fait créer par, par Man-Bat, qui est le docteur Longstone, quelque chose de même, qui est pas... qui est Langstrom, qui est un scientifique, qui se fait créer des bébites artificielles, des bébites robots pour se battre avec eux autres. Puis, c'est-tu juste moi, au début, là, les bébites sont totalement indestructibles. Là. C'est comme Batman peut rien faire, Green Arrow peut rien faire, ils peuvent tout rien faire, ils sont pas capables de les arrêter. C'est comme, tu sais, c'est sûr et certain qu'ils vont perdre. Parce qu'en plus des méchants, il faut dire, là, pour les gens qui n'ont pas écouté le film, en plus des méchants qu'on vous a dit, Cheetah, Man-Bat, tout ça, qui sont des êtres vivants, ils ont en plus des robots. Il y a une chauve-souris. Et là, moi, j'ai trouvé ça un tellement ordinaire. Il y a un loup et il y a un guépard. C'est la même affaire, là. Arrêtez, là. Ben, c'est ça, Le loup et l'espèce de puma, là, sont comme pareils. Ils sont pareils. Il y en a qui est noir puis il y en a qui est brun, tu sais. Juste la couleur différente, tu sais. C'est ça. Puis quand Batman se bat contre au début, puis le Green Arrow, puis toute la gang, ils sont indestructibles, là. Peu importe ce qu'il fait, il n'y a rien qui se passe, là. C'est comme ça rebondit dessus, puis il n'y a rien qui arrive. Puis c'est drôle, à la fin, comme quand. Tu sais, à. Le film dure 77 minutes, là, fait qu'à un moment donné, il y a une armée de ces bébites-là, puis comme à 60 minutes, là, quand il reste 17 minutes au film, puis que les producteurs ont dit « Ouais, ben, faudrait peut-être qu'on finisse ça, ce bordel-là », ben là, finalement, une flèche n'importe où, puis ça explose. Là. Puis là, à un moment donné, il y en a qui arrachent des dos à main nue, puis c'est comme, ils les coupent en deux, puis là, tu regardes ça, puis là, ils en détruisent 12 d'une shot. Là, je regarde ça, je dis « Cibole, côté... entre ce qui a été designé et ce qui a sorti de l'usine, ça a dû être fait en Chine. Là, c'est comme les jeux vidéo. Là. Quand ils font des vidéos, là, c'est tout vraiment beau, c'est pas du in-game. Puis après ça, quand ils font du in-game, c'est tout le temps moins beau. Fait que ça doit être le même principe qu'ils ont fait. Là. C'est ça doit être. Ils sortent de la scrap, mais les démos étaient écœurants. Ça doit être ça, là, parce que je veux dire, c'est incroyable. Il y en a trois au début. Il y a juste trois au début. Puis ils sont pas capables de s'en sortir. À la fin. Il y en a des milliers, là. Il y en a partout. Tu te reviens de bord, il y en a 8. Puis, il explose tout. Puis, je pense qu'il y a quelqu'un qui a regardé Star Wars épisode 1, parce qu'à un moment donné, il atteint l'ordinateur principal qui contrôle les chiens, loups, il chouette, machin chouette, là. Puis, ça s'éteint tout, puis c'est fini. Ouais, c'est ça. Inspiration de Star Wars, j'imagine. Mais juste dire à DC, Star Wars, ça appartient à Marvel, Disney, tu sais. Hey, moi, j'ai un petit point positif. Nightwing mange pas une volée autant que dans Batman vs. Robin. Ouais, mais là-dedans, il n'y a pas de sang. Fait qu'il ne pouvait pas y planter des couteaux partout dans le corps. Je suis encore traumatisé. Comment est-ce que le gars il peut revenir au combat après? Je comprends pas. Mais en tout cas. mais Nightwing est poche aussi là-dedans. Là. En fait, ils sont tous ordinaires. Moi, je les surnommais là, quand j'écoutais le film, là, les Justice League of Idiots. Là. Ouais, c'est ça. Ils sont tous épais. Le plus stupide, là, c'est Flash, sans joke. T'en as parlé tantôt. Là. Moi, à un moment donné, il y a une scène, là, c'était écœurant. Je pense qu'il faut que de Flash. Ils vont au zoo, puis il faut tout qu'ils pognent comme une personne, genre. Puis Flash, son rôle, c'est comme d'aller chercher Silverback, je crois. Oui. Puis là, Silverback fait comme. Il laisse une corde traîner avec avec un nœud coulant, genre. Puis il fait comme. Viens-t'en ici. Puis là, Flash fait comme. D'accord. Puis il arrête va. Exactement à bonne place, tu sais. Là, il pile sur le nœud coulant. Puis là, il est pris. Là, je suis comme, what the fuck? T'es bien stupide. C'est maintenant que je l'ai vu, genre, avant toi. T'es là, man. Même un lièvre sauvage qui a à peu près le cerveau comme un pois chiche. Se laisse moins pogner facilement par un nœud coulant à terre de même que le Flash. T'sais. Puis c'est juste drôle parce qu'après ça, il essaie. T'sais, la série de Flash, c'est bon, là. T'sais, mais là, tu pognes le même personnage, puis tu le fous dans un film de même où il est totalement stupide. T'essaies-tu d'enlever la crédibilité de ton personnage? C'est juste ça, là. T'sais. Une chance pour un univers consensuel. Même Green Arrow, tu sais, dans la série Arrow, il est badass. Ah, j'aimais ça, moi. Le seul bout. À un moment donné, Pingouin inaugure une tour. Puis là, il annonce que c'est robots animaux. Puis je sais pas pourquoi que le monde était là pour ça. Là. C'est comme pas clair, parce qu'il y a personne qui savait qu'est-ce qu'il était pour inaugurer. Puis, il était là pour inaugurer la tour. Finalement, ça, il en parle. Ouais, il inaugure des animaux. Puis les deux sont là, tu sais, Batman, Bruce Wayne, puis t'as Green Arrow qui est. Oliver Queen. Là, les deux sont en tuxedo, puis là, ils se parlent, puis ils font comme, ouais, t'es plus riche que moi. J'ai trouvé ça cool, la relation en dehors du suit, là, le fait que les deux sont censés être un petit peu une pâle copie l'un de l'autre. Là. Mais ils savent qui est qui. Là. Ouais, ça, j'ai fait comme, ah, ok, Flash intéressant. Oh, Flash, je viens de plugger le nom. Pour une fois que c'est intéressant, c'était la seule façon. C'est le seul temps que Flash est intéressant. C'est la seule façon. Puis j'ai trouvé que le pingouin, quelle origin story tout croche. Ben, je sais pas si c'est une origin story, là, mais l'utilisation qu'on en a fait, à un moment donné, il se promène dans la rue, il y a trois brigands là, qui ont ramassé genre l'épicerie d'un petit couple de vieux. Puis là, il parle. Puis là, ben, il y a comme une vitre de lunettes. Il y en a comme rien qu'une, tu sais, un monocle. Mm-hmm. Puis là, ça épitche des informations. Je dis, OK, c'est intéressant. Il scanne l'environnement, puis là, il voit que le tuyau, ça a une faiblesse. Puis là, ben, il peut peser une place, puis ça va faire tomber des briques. Hein, OK, t'es censé me démontrer qu'il est plus intelligent que la moyenne de même, là? Je comprends pas. À quoi ça servait? Puis après ça, ben surtout quand il inaugure sa tour pis ses robots animaux, là il entend à distance que le monde ils disent, puis le monde ils font tout un, il est bien let lui, intimidation for 101. Ouais. Et après ça, ben à la fin de la soirée, après avoir présenté ses animaux, il se dit ben je vais avoir conquis le monde, puis finalement c'est pas le cas, fait qu'il pogne les nerfs puis il jette tout le monde dehors. Mais pas genre s'il vous plaît, allez-vous-en. Non, le monde il vire les tables, sont à la course parce qu'il a pitché les animaux sur eux autres là. Ouais, les trois animaux indestructibles qu'il y avait. J'ai fait comme OK, le gars, il y a comme aucun milieu là. Ouais, puis chose intéressante, Bruce Wayne dit à Oliver Queen ben il faudrait bien suivre le docteur Langstrom parce que c'est lui le cerveau de la patente pour les animaux, je suis sûr. Fait qu'on va mettre un petit bidule après lui, un traceur après lui, puis ça va nous montrer où ce qui est. Fait que on s'entend-tu que il y a des bonnes chances, c'est pas la première fois que le docteur Langstrom se changeait. On le voit, je pense, en Man-Bat avant ou je sais pas trop. Puis on essaie de nous faire croire dans le film aussi qu'il a pas le contrôle sur sa métamorphose en Man-Bat. Ben pourquoi que le soir de l'inauguration de la tour, il n'est pas Man-Bat dans ce cas-là. Puis, il va pas me faire croire qu'il y a juste une paire de culottes, ce cas-là, parce qu'il pitch Oliver Queen pitch le traceur, parce que, oh mon Dieu, lui, il est capable de toucher la cible avec n'importe quoi. Fait qu'il pitch le traceur de Batman, drette ses culottes, puis, oh, par miracle, c'est les mêmes culottes que Man-Bat a encore, un coup qui se transforme. Pareil, voyons donc. C'est comme Hulk, il fait sa couture puis il répare ses culottes à chaque fois qu'il revient puis il a juste une paire de culottes. C'est un millionnaire, supposément. C'est exactement ça. Mais j'ai trouvé ça comme, OK, correct. Ouais. Oui, il y a des affaires qui ont vraiment plein de sens. Comme moi, dans l'affaire, j'ai remarqué aussi. Ça, c'est. Moi, je suis un peu picky, OK? Je vous le dis tout de suite, je suis un peu difficile sur des niaiseries des fois. Là. Les camions. C'est con, là, mais les camions de la SWAT, okay. C'est écrit police en avant, ouais. Mais à l'envers. Tu sais, okay. Les vrais camions de police ou les vrais chars dans les ambulances, pis tout, c'est écrit ambulance à l'envers en général. Ouais. Fait quand on le voit dans le miroir, on le voit à l'endroit. Ouais. Mais ben là, eux autres, c'est écrit à l'endroit tout le temps. Genre. Fait que si t'es à Gotham, tu rentres ton miroir, tu vas voir comme police à l'envers dans ton miroir. Fait que ma solution, moi, je me dis, c'est soit qu'à Gotham, ils sont toutes caves, puis ils ont comme vraiment mal géré leurs affaires, ou bien les gens sont super brillants, puis savent lire à l'envers dans des miroirs. Non, mais t'es dans le futur, fait que peut-être que quand tu vois police dans ton miroir va lire à l'envers. Ouais, peut-être. T'es dans un futur. T'as la réponse parfaite. Ça explique aussi pourquoi Batman chauffe un vaisseau si long. En tout cas, ça, c'est mon. Je sais pas si vous avez remarqué, là, en tout cas, c'est difficile. Oui, Batman, son vaisseau, c'est un vaisseau si long. Vous regarderez ceux qui ont regardé Battlestar Galactica, je sais pas pour vous deux, là, est-ce que vous avez regardé non, ça? Non, j'ai pas vu ça. Ah, fuck, ben, je suis tout seul à parler tout seul d'abord. Ouais. Ben là, en même temps, on te fait parler de DC, puis tu connais pas ça, fait que go, ouais, vas-y. Ben, venge-toi. Bon, ben, pour les gens qui ont vu Battlestar Galactica, ou même pour vous deux, googlez un vaisseau si long. Puis quand je parle des vaisseaux, je parle des genres de fighters là. Puis c'est pareil comme le vaisseau que Batman chauffe. Si long, c'est comme... censé être quoi? Parce que ça s'écrit comment si long? C-Y-L-O-N. C'est dans Google avec. C'est les espèces de robots à un œil rouge là, tu sais. Mmh. Ouais, c'est ça. Mais il y a comme des vaisseaux si longs genre. Puis parce que ça se passe dans l'espace. Puis c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment, quand je le regardais j'étais comme, c'est un silon, ça n'a juste aucun sens. Ouais c'est ça, allez sur, écrivez Cylon Raider sur Google. C'est bon, je l'ai, mais oui, c'est clairement, il y a une inspiration là. Ouais, en tout cas regardez, c'est pas un, comme je dis, moi je suis picky, j'ai trouvé des niaiseries et c'en est une. Fait que non c'est ça, mais je suis content de voir par contre que j'étais pas tout seul à voir que c'était, ben c'est sûr que c'est assez évident que ça se passe dans le futur là, mais sur le coup j'étais comme, c'est-tu normal, c'est-tu pas normal, est-ce que je suis rendu tellement dans le champ dans DC qu'aujourd'hui, dans le timeline actuel, c'est rendu nous-mêmes les choses animées. Là, vous me confirmez que non, parce que dans le fond, c'est juste c'est comme une side story, un peu comme tu disais, un what if. Là. Ouais. Mais du coup, je comprenais pas trop. Là, fait que je suis content de voir que je suis pas tout seul. Ben, c'est marqué sur la page Wikipédia, parce qu'on sait que la vérité sort de Wikipédia. Bien sûr. Mais c'est marqué que le nom du film et les personnages, le design des personnages sont pris directement d'une ligne de jouets de Mattel. Donc, tu sais, des fois, on fait des jouets à partir de films et dessins animés. Là, c'est comme le contraire. C'est un peu comme les Transformers. Sinon, d'autres trucs, moi, après ça, je disais Justice League of Idiots, là, j'ai trouvé que les animaux étaient plus brillants que les humains. Je parle pas rien que des robots, là. Je parle de Cheetah, je parle de Killer Croc, ce qui est pas censé être une lumière. Ouais, ouais, ouais. Puis le plan, c'est genre, on s'en va dans des spots, puis là, les spots font comme un rond. Puis finalement, toutes les fois qu'ils ramassent, ils croisent, ils repartent sans avoir décidé, sans avoir réellement ramassé ce qu'ils semblaient être venus chercher. Fait que là, tout d'un coup, il allume là, que finalement, c'était pas ça qu'il venait chercher. C'est un gros plan, là. Le pingouin, là, c'était une pensée à long terme, là, sur l'affaire. Puis ça a super bien fonctionné. Puis les humains ont comme zéro vu venir ça, là. Ouais, ouais, c'est... Non, je sais pas. J'ai bien de la misère avec, avec ce film-là. Ce qu'ils ont essayé de faire, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de s'en aller avec ça, mais... C'est... Je me demande sincèrement à quoi le film servait. C'est clairement un film pour enfants. C'est clairement, tu sais, selon encore Wikipédia, il va y avoir une série télé de 22 dessins animés ou une affaire de même. Il va y avoir une application. Puis il va y avoir. De Unlimited, là, de Batman Unlimited. Ben, okay. C'est marqué que ça va être suivi par une suite qui va s'appeler Monster Mayhem. Donc, c'est fait qu'il va y avoir d'autres choses qui va sortir le 18 août 2015. Puis avec 22 cours dessins d'animation, une application mobile va être aussi... il va y avoir ça aussi qui va sortir. Hey, débloquez-moi ça tout de suite que j'aille pas télécharger ça! Fait que c'est ça. Je sais pas quoi qui... Regarde, je pense DC essaie de faire n'importe quoi pour essayer de rattraper Marvel, c'est clair. Là, ça prend du stock, faut mettre Batman sur la carte, faut que les jeunes enfants aiment Batman, parce qu'il y a un nouveau film de Batman qui s'en vient avec Superman, tu sais, Batman. Ça a plus Superman, tendance à m'éloigner, là. Puis, c'est comme, je pense pas que le public cible du prochain Batman v Superman, c'est les enfants, parce que d'après moi, ça va être un petit peu trop violent pour ça. Mm-hmm. Fait que je sais pas. On essaye de mettre le nom de Batman sur la table. J'imagine, vu qu'il va être... Tu sais, le monde en parle et tout ça, c'est comme la publicité gratuite. Fait que si on peut vendre une couple de milliers de copies de tout ça, tant mieux. Ça se vend quand même presque 20$. C'est 18, je pense, je l'ai vu au Costco, c'était 18 et quelque chose pour un film d'une heure et de 1h17. Là. Excusez, là, mais il me semble... Ouais, puis c'est pas le meilleur 1h17. Parce que moi, je suis comme un. Pas. Comme je dis, je suis complètement néophyte, mais je suis pas contre l'idée d'écouter des trucs animés de DC parce que je connais peu DC. Mais t'aimerais ça écouter des affaires bonnes. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que moi, j'ai fait comme mon premier, je l'écoute, puis je tombe sur vraiment un. C'était pas supposé. Excuse-moi, là. C'était pas voulu. C'est de ta faute. Fait que, à cause de toi, il y a plein. DC va perdre un peu d'argent à cause de toi. Ouais, non, mais sans joke, je vais sûrement me mettre quand même en écouter. Il y en a sur Netflix, entre autres, là, des affaires de Superman puis tout. Fait que je vais écouter ça, mais ça m'a juste surpris comment que c'était très ordinaire, mettons, pour être poli. Là. Fait que c'est pas la meilleure façon d'introduire. Clairement d'introduire pas. Vraiment pas, tant qu'à moi. Là. Je fais du cas. J'en reviens, là, je disais Justice League of Idiots. Là. Moi, c'est vraiment mon mot-clé là, pour cette show-là. Mm-hmm. Je veux juste dire que le pingouin, la fois où est-ce qu'il dit à tout le monde c'est quoi son plan, écran de télévision géant dans la ville, puis là, ben, il y a son dôme, puis là, il tracte la météorite, puis il dit. Je vais faire tomber ça sur Gotham. Vous allez tous mourir. Je vais ramasser l'or que la météorite elle a dans elle. Fait que je vais être riche. Puis je vais être tout seul. Oui. Tu vois où l'or risque de perdre un peu d'importance s'il y a un cataclysme. Ça sert pas à grand chose. Puis ça t'a coûté combien pour faire ce laser-là avec ton dôme te protéger, tracter une météorite. Te faire bâtir la bâtisse. Te faire bâtir. Oui, ça a coûté combien? C'est-tu vraiment l'or dans la météorite qui va compenser ton investissement? Ouais, surtout qu'il sait pas combien ce qu'il y en a. Là. Et là. Et même si. Et même si, et là, maintenant qu'on sait que Gotham est sauvé à la fin parce que Batman a fait un plus gros dôme, est où l'or? Ouais, dans parce... l'océan, on l'a vu tomber dedans. Ah, OK. Ouais. Parce que, ça, c'est une affaire que j'ai trouvé ça vraiment stupide. J'en parlais après à ma blonde parce que malheureusement, j'ai fait subir ce film-là à ma blonde. En plus, aussi. On s'excuse. On s'excuse. Ouais, j'ai passé vraiment une soirée dégueulasse à cause de ça. Non, c'est pas vrai. Mais moi, j'ai trouvé ça comique parce que, bon, le dôme est plus gros, c'est logique. On va se fier un peu à la physique. Je suis vraiment pas physicien ou, tu sais, même pas scientifique un petit peu. Mais je me dis, une météore qui tombe sur un dôme, mettons, ça tombe sur Terre, je comprends que ça détruit comme la ville ou même peut-être la Terre au complet. Ça tombe sur un dôme qui est peut-être un kilomètre de haut. Je vois pas en quoi le shockwave ne détruit rien, genre. C'est ça que je me dis, au pire, Gotham est safe, mais il devrait avoir comme de la destruction autour pareil. C'est comme un shockwave qui se forme, là. C'est pas rien, là, ce qui vient de tomber sur ta planète, là. C'est clair que le dôme, là, partout où est-ce qu'il était appuyé, ça a comme baissé puis ça a fait un ravin, là. La ville de Gotham est entourée d'un gros ravin, là. Exactement. Faut que le dôme est enlevé. Là. Il absorbe parce que c'est un dôme vraiment genre digne des meilleures couches, là, puis il absorbe vraiment bien. Là, parce que ouais. Je comprends pas genre, sérieusement comment que ça a réussi. Là. C'est la dépense des. c'est l'équivalent d'une grosse dépense. Non, mais c'est vrai ce que tu dis parce que ce qui est dangereux d'une météorite qui tomberait sur la Terre, c'est pas nécessairement la météorite en tant que telle, c'est l'onde de choc qu'elle crée, c'est comme une bombe nucléaire qui explose. C'est ça. Fait qu'elle tombe directement à Terre ou qu'elle tombe sur un dôme, il devrait avoir une répercussion pareille à quelque part et non pas juste « Ah, je me craque en morceaux puis je tombe dans l'océan puis ni vu ni connu, y est, tout le monde est content. » C'est ça, c'est ce que je me dis. Parce qu'à la limite, sinon, la stratégie du pingouin n'aurait pas marché parce que lui aussi, il y avait un dôme, genre. C'est juste un dôme plus petit. Fait que ça reste juste comme crasher sur le dôme, puis ah ben là, vu que ça tombe sur un dôme, ça me sort tout, puis c'est tout. Là. Fait que ça revient, la stratégie de pingouin était de la merde d'abord. Ouais, ouais. Mais... C'était ma critique. Ouais. Ouais. Non, mais le film au complet est rempli de patentes qui a pas de bon sens. Là. Je veux dire, c'est clairement, je l'ai regardé en deux coups, moi, parce que je me suis dit, oublie ça, là, je me tape pas ça d'une traite. Là, moi, je me suis endormi dessus. Puis... Première fois, là... Je suis comme pas supposé, là. Puis là, le sommeil m'a rattrapé. Non, puis je regardais... Tu sais, c'est rare que je regarde un film puis je regarde ma montre. Puis là, je regardais ma montre puis je savais que ça durait 77 minutes. Je me suis dit, bon, ben, il reste une demi-heure. Bon, ben, il reste 20 minutes. Je me dis, un jour, ça va. Tu sais, j'ai jamais vraiment embarqué dans l'histoire. Je me suis jamais dit, ah, ouais, OK, ouais, ça, c'est cool. C'est l'univers peut être pas pire. Le monde qu'on a créé pourrait être intéressant dans un futur quelconque, tu sais, mais il avait fait de quoi... de similaire avec comment ça s'appelait Batman c'est quoi c'est ça les autres séries me manquaient là, mais après qu'il ait fait Batman The Animated Series, ils ont fait une série où c'était Bruce Wayne était rendu trop vieux puis se faisait remplacer. Puis je me rappelle pas comment qu'il appelait cette série là mais c'était un autre personnage qui était Batman puis il le remplaçait puis Bruce Wayne l'avait entraîné puis tout ça. Pourquoi pas avoir fait ça? D'autres personnages, un nouveau Batman avec des nouveaux alliés, puis pourquoi mettre exactement Bruce Wayne avec Alfred qui est théoriquement déjà vieux aujourd'hui? Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Il est comme pas vieilli, lui, en 100 ans, dans le jeu. C'est tout des clones. Je sais pas, mais il aurait pu... Parlais-tu long tantôt? Pour ceux qui écoutaient Battlestar Galactica, c'est des robots, peut-être tout ça? Peut-être. Mais tu sais, pourquoi pas faire ça? Tu sais, tu veux faire un univers alternatif, tu veux faire d'autres choses, ben vas-y avec d'autres choses, tu sais. Mm-hmm. Je sais pas. J'ai trouvé ça un peu... Tu sais, l'univers cool, mais avec des personnages différents, ça aurait peut-être été plus intéressant. T'sais. Mais je le mets d'un autre côté, si Batman n'est pas Bruce Wayne, ben là, tu perds un intérêt aussi de certaines personnes, peut-être, tu sais. Ouais. Fait que c'est dur à gager, mais dans ce cas-là, t'sais, pourquoi pas le faire juste dans l'univers connu de Batman, l'univers présent, t'sais. Je veux dire, on s'en fout. Penses-tu que si tu recules ça dans les années courantes des histoires de Batman, que le pingouin n'aurait pas pu se faire un dôme puis attirer une météorite, puis tout, il n'y avait pas besoin d'être 200 ans dans le futur pour faire ça, là? Non, on se situe à Marvel en général, c'est rendu ça. Là. Fait que c'est rendu futuriste de toute façon dans les années 2015. Fait que pourquoi ça peut pas se faire non plus là-dedans? Là. Il aurait pu le faire. Là. C'est supposé être un super méchant. Un super méchant peut avoir des super gadgets. Le gars, les films de James Bond, les vieux films de James Bond dans le temps, qui se faisaient des repères en dedans de volcans ou d'affaires de même. Garde, on a déjà vu ça. Là. Fait que ouais, pourquoi pas dans le monde de Batman? T'sais. Fait que je sais pas, j'ai la misère à être capable de situer et le fait que ça se passe dans un futur et le fait que ça soit les mêmes personnages encore. Mais bon, c'est peut-être juste, moi c'est peut-être j'ai la misère à comprendre là. Ok, c'est pas juste moi là-bas. Non, c'est pas toi, c'est pas juste toi. On peut y aller avec une note, je pense qu'on a assez bâché là. Je sais pas si les gens ont compris là, mais c'est pas bon. N'écoutez pas ça. Je vais commencer avec ma note, c'est quoi sur 10? Ouais. Moi je donne 9. Non, c'est pas vrai. Je donne... 9 comme dans pas très bon, là. Moi, sérieux, je donne 4. Puis 4, c'est pas dégueulasse. Moi, je suis assez quand même difficile, entre guillemets, là. 4, c'est pas de la grosse merde, là. C'est juste pas bon. Fait que c'est ça. Ouais. Luc? Pour en revenir sur la série que je parlais, c'est Batman La Relève ou Batman Beyond. OK. Qui était un jeune Batman, avec un suit noir avec des logos de Batman rouge dessus. C'est un petit clin d'œil à ce qui se passe au début. Ouais, ben moi, c'est ça que ça m'a vraiment mélangé. Là. Ça m'a pris genre 5 minutes à comprendre que, ok, finalement, il se parle pas avec un double de lui-même. Là. C'est que Nightwing est arrivé, puis Batman, il a décidé de changer de suit. Ouais, fait que, en tout cas, c'est ça. Moi, ma note, personnellement, j'y donne un 4, là, mais c'est pas le même 4 que JS. Moi, c'est un 4 pourri, vraiment. C'est un 4 pire, là. Pour moi, un 4, c'est comme. Tu sais. Peut-être que le DVD ferait un bon souverain, mais il y a un trou dans le milieu d'un DVD. Fait que même ça, c'est pas bon. Cassez-vous pas la tête avec ça. Attendez qu'il sorte quelque chose de mieux que ça. Là. Il y a d'autres choses de DC qui s'en vient bientôt, des dessins animés, tout ça. Regardez ça à la place. Même, j'ai pas aimé Batman versus Robin, puis je vous dirais de regarder ça avant. Ben oui. Moi, je vais y aller avec un 3 parce que je veux me différencier de vous autres. Je suis comme ça. Puis parce que j'ai vraiment pas aimé ça. C'est pas normal que j'avais le goût que Gotham meure. Ça m'a fait la série puis qu'on arrête d'en parler. C'est pas normal. Puis malgré, comme on disait, là, les raisons de faire du pingouin, les autres méchants, les autres animaux, les autres, ben, ils ont la pas du gain. Puis les autres sont juste comme brillants, genre, par rapport aux autres héros. Ça, c'est comme pas normal. Puis à un moment donné, je prenais pour eux autres. Flash, t'es vraiment en cave. Tu mérites de te faire pogner. Batman, t'es cave aussi. Tu mérites de te faire pogner. Puis même affaire pour toutes les autres. Fait que ça, c'est comme pas normal. Fait que ça veut dire que le film a été mal construit, mal pensé, mal exécuté. Puis ça mérite un 3. Voilà. Ouais. C'est excellent, ça. Tu sais, si au moins on se retrouvait dans l'univers de Batman, Robin, Batman versus Robin, puis qu'il y avait des couteaux qui se plantaient dans les épaules, nous enfants. Ou eu au moins du eye candy, tu sais. Ouais, mais même pas. Ah, il est où l'instinct animal? C'est moi qui n'ai pas compris non plus, ça. Ben, c'est parce que c'était tous des animaux. Des animaux. Ouais, mais on va faire un jeu de mots, là. Ah non, mais t'as juste pas compris. Ok, c'est bon. Ouais. Je veux qu'on parle de zombies. C'est quoi ma question? C'est quoi mon sujet? Puis pourquoi je suis allé chercher l'expertise de JS? La semaine passée, moi, je fais des chroniques à la radio et je parle de technologie. Et il y a eu, pendant un certain bout de temps, des trucs qui circulaient sur les réseaux sociaux. Où est-ce que vous allez mourir et dans quelles circonstances? Dans une zombie apocalypse. Nicolas Thibault, avec qui je fais la chronique à CKVL, avait partagé ça. C'est lui qui m'avait donné l'idée. Et on en avait jasé. Puis, je veux savoir, vous autres, sans passer par cette application-là de boîte, parce que c'est pas une bonne idée à part donner vos informations personnelles gratuitement à eux autres. Je veux savoir, c'est quoi votre plan, vous autres, dans une zombie apocalypse? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi votre priorité? Qui vous protégez? Comment vous survivez? Et là, ben, tu vas comprendre, JS, pourquoi que je t'ai appelé en renfort. T'as vu les 5 saisons de Walking Dead. Fait que techniquement, t'as une longueur d'avance sur nous autres. Ouais, techniquement, c'est toi le mâle alpha. T'es censé nous aider. Ouais. Fait que on monte un plan. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, là, j'ai vu les 5 saisons de Walking Dead. Mais j'ai en parallèle vu aussi la première et seule saison de Z Nation, ce qui va en l'encontre. C'est pas un plus, là. De tout, ouais, c'est ça. Ça va à l'encontre de tous mes principes. Fait que finalement, je suis à un pied d'égalité avec vous. Fait que ne vous inquiétez pas, mes chers. Tu vas nous laisser survivre autant que toi, là. Ouais, mais là, c'est parce que ça dépend de quel type d'apocalypse tu parles. Ben moi, c'est les hommes bilans, là. OK, tu parles pas de, de l'apocalypse genre World War Z. Non, non, au moins, c'est ménage, là, les zombies qui courent, là, parce que... World War Z, on est tous morts dans 10 minutes. T'as aucune chance. Okay, ben, moi, j'ai aucune chance. Share the stakes, ça prend 10 minutes, là. OK. Vraiment, OK, vraiment, le zombie, là, zombie... Traditionnel, là, idiot qui avance pas vite, à la Walking Dead, là. OK, OK. Premièrement, okay. Est-ce que vous avez lu le Zombie Survival Guide? Non. Pas du tout. OK. Parce que il y a beaucoup de trucs dans ce livre-là. Je vous conseille de le lire éventuellement parce qu'on s'entend que ça va arriver bientôt. Un apocalypse de zombies, c'est sûr, sûr, sûr. C'est inévitable. C'est inévitable. Donc, ça vaut la peine de lire le Zombie Survival Guide. J'ai appris pas mal de choses là-dessus. Donc, c'est écrit par, je crois, son nom, c'est Max Brooks. C'est le gars qui a écrit justement World War Z. Ben, en fait, World War Z est une adaptation de ce livre-là. Oui, c'est ça. Elles sont pas mal... Ils sont gâtés, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... c'est exagéré, c'est drôle. C'est une parenthèse que je fais, là. Je vais pas scraper le sujet. Mais c'est une parenthèse que je fais. Je vous conseille de regarder ça. Ça vaut vraiment la peine. C'est super bon. C'est léger. C'est le fun. Fait que, voilà. C'est léger. Du monde qui se font manger à la cervelle, c'est toujours léger. Non, ouais. Mais c'est ça. Mais quand même, là, faudrait juste peut-être être un petit peu doux, là. S'il y a du monde qui nous écoute à la radio, il n'y en aura pas d'apocalypse zombie, OK? On fait ça pour le fun. Ah, OK. Ça va arriver. J'ai pas le goût de partir une affaire à la H.G. Wells dans le temps. Parce que... Ben, en fait, ils viennent de nous entendre parler de Batman pendant 20 minutes. C'est clair que s'il y avait une zombie apocalypse pour vrai, on aurait parlé en premier. Je dis ça de même. Peut-être. Côté priorité. On va prendre un film de scrap, là, buy the book après, juste vous dire qu'on est tout on en train de mourir. On va peut-être mourir, c'est ça. Fait que updatez votre iTunes, ça se peut que ce soit le dernier podcast que vous écoutez. Puis on aurait peut-être été fin avec Batman qui vient nous aider dans ce cas-là. Ouais, peut-être. Il dit que son film est de la boîte. Mais ouais, c'est ça, là. Moi, j'ai pas le choix. Si jamais ça arrive, il faut que je me batte parce que j'étais quand même le président du Z-Unit. Ah oui. De Saint-Zotique. Dans mon coin, ben oui. Fait qu'à un moment donné. T'es censé être entraîné, toi. Censé, oui. Censé. le mot à retenir dans cette phrase-là. Mais c'est quand même drôle de penser qu'un apocalypse zombie pourrait arriver. Puis. Je veux dire, tu regardes ces films-là, puis pourtant, c'est des films qui sont assez intenses. Là. Si tu regardes Zombieland, puis affaires de même, là, c'est des films qui sont intenses. Là. Mm-hmm. Puis tu te dis, si tu t'assois froidement, puis tu te dis, OK, demain matin, ça arrive, qu'est-ce que je fais? Là, je veux dire, c'est quoi la meilleure manière de t'en sauver? C'est probablement de te ramasser dans une place élevée le plus possible où que c'est difficile pour un être humain de se rendre, fait qu'un zombie serait pas capable de grimper puis de se rendre jusque-là. C'est drôle que t'en parles, Luc. Fait qu'une une cabane dans un arbre, vivre ça, sur mon Everest, tu sais, je veux dire. Ben même, toi, avez-vous des maisons, vous? J'ai un appartement. T'as un appartement, OK. Mais s'il y a un zombie apocalypse, ça se peut que le proprio, il ne me demande plus le loyer. Fait que je vais dire que c'est chez nous, là. C'est déjà pas pire. Et toi, Luc? Moi, j'ai une maison. Je vis dans une boîte en carton. Ouais. Un étage ou deux étages, Luc? Un étage. Demi-sous-sol. Ça dépend si tu calcules le sous-sol. Le sous-sol, c'est de la chenoute. Il faut pas être dans le sous-sol. Non, j'ai un demi-sous-sol. Je suis à moitié dans la boîte. OK, fait que toi, t'es dans marde. Moi, je suis au troisième. Fait que faudrait que tu déménages, JB. Ouais, mais okay. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai déjà pensé à ça. Moi, j'ai un plan de contention. Vas-y. Là, mais vas-y, continue dans ton idée, là. OK, ben moi, je fais juste dire, tu parlais de maison, fait que je vais parler de ça, puis après ça, je vais te laisser aller dans ton plan, JB, je voulais pas te couper. Mais en gros, l'idéal, c'est de, si tu restes chez vous, c'est de vivre le plus haut possible. Fait que t'avais raison, Luc. Donc, si tu vis, mettons, au 2, 3, 4e étage, c'est parfait. Aussi, c'est important, par contre, les zombies peuvent monter des marches, fait qu'il faut que tu détruises ou tu bloques les marches. On s'entend là-dessus, là, parce que sinon, ils vont monter pareil. Fait que moi, j'habite au troisième. Faudrait que je détruise les marches qui sont indestructibles parce qu'elles sont faites comme en acier. Mais en tout cas, ça marche pas. Fait que t'es pas plus avancé que nous autres. Je suis pas plus avancé, mais je pourrais peut-être bloquer avec peut-être les cadavres de mes voisins ou peu importe. Mais à la base, les escaliers, il faut les bloquer d'une façon quelconque. Donc, plus t'es haut, mieux c'est. Des zombies, ça glisse-tu sur des pots de bananes? Si on met des pots de bananes, c'est les escaliers. Tu peux envoyer des carapaces de tortue, mais je suis pas sûr que ça va marcher. C'est ça, j'allais dire. Si des cartes peuvent glisser là-dessus, des zombies probablement aussi, c'est pas plus brillant qu'un cart. J'imagine que non. OK. Non, en hauteur, c'est logique, à moins que ça soit facile de monter. Un ascenseur, un zombie, c'est-tu servi de ça? Ben, ça prend de l'électricité. Ça prend de l'électricité, ouais. Ouais, OK. Fait que sinon, mettons... j'imagine qu'il est assez intelligent pour rentrer dans l'ascenseur, écouter la petite musique, peser sur le piton 3 puis monter. Mais c'est peut-être qu'il va essayer dans 2-3 shots. Peut-être. Éventuellement, il va se tanner puis il va certainement toucher au mur puis peut-être pogner un bouton. Là. Exactement. C'est pas safe. Là. Ouais. Moi, j'ai un plan. Moi, j'ai développé une expertise à force d'habiter dans tellement de milieux à travers le pays que j'ai développé des connaissances. Mm-hmm. Not. Des connaissances très utiles. Ben oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et je me suis rendu compte que ben, c'est quoi le pire ennemi d'un humain vivant dans une zombie apocalypse? Vous allez me dire les zombies. D'autres humains. Mais moi, je vais vous dire d'autres humains. Parce que pourquoi? Ouais. Parce qu'ils peuvent décider de leur vivant de tuer et probablement de leur mort de tuer. Mm-hmm. Donc, moi, je me dis, je m'en vais dans des coins éloignés. Je veux une place où est-ce qu'il y a le moins de population possible, donc moins de risques de zombies. Et là, ben moi, tu sais, tout ce qui est dans le nord, en plus, c'est le fun parce qu'il y a plein de monde qui ont des guns puis qui savent chasser. Fait que moi, ça m'aide. Je ne sais pas chasser, mais j'ai des amis de la famille qui savent chasser, fait que j'ai plus de chances de survivre. Moi, c'est go dans le nord. Là. Ouais, mais à moi qui décide de chasser le JB. Possiblement. Ouais, ouais. Possiblement. Tu serais beau avec un panache de chevreuil sur la tête attaché à un truc. C'est sûr. Mais ça serait ma première idée. Moi, direction le nord. Deuxième affaire. Moi, je me dis qu'au Québec, on est très bien placé dans une zombie apocalypse parce que même si on a de l'été à peu près juste 3 semaines par année, on est quand même la place au monde où est-ce qu'il y a le plus de VR qui se vendent. Donc, il y a plein de VR disponibles dans une zombie apocalypse qui sont neufs, qui sont pas des towing, des affaires tu croches comme dans la première saison de Walking Dead, qui vont tenir la route puis qui vont pouvoir avancer. Ouais, c'est sûr qu'en avoir à monter ta tente à chaque fois que tu vas faire de dos, c'est pas nécessaire. Deuxième élément. Il y a plein de. Écoute, je suis dans un village, là, on est même pas 3000 habitants, puis il y a un gars qui vend des VR. Je suis correct, là, on est en business. Là. Et troisième affaire que je me dis, c'est plus je m'en vais au nord, plus l'hiver est fret et plus les zombies vont geler. Zombies étant comme n'importe quel être vivant composé essentiellement d'eau, je me dis, si ça gèle et que l'eau gonfle, il va probablement finir par exploser ou se démembrer. Puis au printemps, quand il va dégeler, il va ramollir jusqu'à faire une flappe de matière organique à terre. Seigneur, t'as pensé ton affaire loin, toi? Moi, je suis rendu là. Ça a de l'allure. J'avais pensé à la même chose. Par contre, il faut considérer une chose, JB, là-dessus. Faut survivre l'hiver. Gèle, c'est ça. Faut que toi aussi, tu vas geler. Fait que, ouais. Tu sais, tu vas pas geler comme les zombies, sauf que tu peux mourir de froid pareil. Fait que si tu t'en vas vivre à coup de jouac, oui, t'auras pas beaucoup de zombies. Ça se peut qu'ils se rendent pas parce qu'ils vont geler en chemin, mais arrange-toi pour avoir du feu à l'infini. Ou, mais tu passes un hiver. Tu survis un hiver, puis après ça, tu peux descendre plus au sud parce que ça va être moins longtemps l'hiver, puis ils vont avoir quand même gelé. Ouais. Tu peux aussi le passer pendant le. Oui. Vas-y, Luc. Parce qu'à ce que je cherche un zombie, ça doit pas nager. Fait qu'une petite île, tu sais, une petite cabane. Ah, ça peut être bon, ça. Hein? Tu sais, je sais pas. On a plein de lacs ici. Il y a des petites îles, des fois, au milieu. Ah ouais. Fait que, au lieu de jouer au roi de la montagne, tu joues au roi de l'île, par exemple, parce que tu seras peut-être pas le seul à y penser. Ouais, peut-être. C'est peut-être une idée, tu sais. Mettons, là. C'est une excellente idée, parce que dans le fond, comme tu disais, JB, il faut vraiment se tenir loin des villes, donc à moi. C'est la pire affaire. C'est la pire affaire, parce que dans toutes les films de zombies, toutes les séries de zombies, les villes, c'est juste une place qui a plein de zombies. Fait que, faut que tu t'arranges pour te tenir loin d'eux autres. Fait que la meilleure solution. Puis en plus, en étant dans les villes, t'es proche des autres humains aussi. Qui était quand même vrai ce que tu disais là-dessus, JB. Là, exactement. Faut attention aux humains. Fait que, en se tenant loin, puis en allant, comme tu dis, au Québec, il fait froid. Fait qu'on peut aller dans le nord, avoir la paix. Le problème avec le nord, par contre, tu disais, ils ont tous des guns à chasse. T'as pas tort, mais justement. Ils ont juste 2 balles. Fait que, faut qu'ils reloadent. Ben, écoute, s'ils te manquent, t'es capable de te reprendre. Là. Ouais, il y a ça. C'est moins dangereux. C'est que tu peux être une proie, là. C'est ça le problème. Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis les gens dans le nord, c'est sûr que s'ils ont toutes une arme, c'est des armes qui font du bruit. Donc, ils attirent les zombies. Fait qu'il faut que tu te tiennes loin d'eux autres aussi. Exact. Parce que c'est une des choses qui est difficile dans les films de zombies, c'est le bruit. Et ils sont tous attirés par le bruit. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Faut vraiment que tu restes silencieux. Puis un 303, c'est pas quelque chose qui fait pas de bruit, on s'entend. Ouais, c'est ça. Puis faut que tu fasses attention à qui tu pognes. Aussi à qui tu pognes, parce que si t'as joué au jeu The Walking Dead, quand ils se ramassent dans une ferme éloignée, c'est eux autres qui sont sur le menu. Exactement. Entre te faire manger par un zombie ou te faire manger par un fermier, je sais pas quel des deux qui est le mieux. Vu de même. Non, j'aime mieux le zombie parce que c'est comme plus d'une shot, tandis que les fermiers ont l'air comme, ben, on va te couper un bout de la jambe, on va manger ça, après ça, tu vas rester, toi, encore en vie, tu sais. Ouais. Fait que, ils vont te couper des petits bouts, tandis que les zombies, ils s'écorchent sur toi, puis tu meurs en peut-être ben, 2 minutes. C'est ça, ou tu n'en deviens un. Ou tu t'en deviens un. Là, j'avais une autre idée, OK? Là, vous allez me dire, c'est peut-être plus dangereux, mais côté survie, c'est plus assuré. Je spot le Costco. Puis je le barricade, puis j'habite là. Moi, je suis clairement capable de survivre une couple d'années avec tout le stuff qu'il y a là. Mais c'est ça, faut le barricader comme du monde, puis il faut pas que d'autres humains ou du... c'est plus dangereux. Mais côté survie, s'assurer d'être capable de vivre au jour le jour, c'est comme plus safe. Ouais, mais au nombre de monde qu'il y a dans un Costco, tu imagines comment ça prend de temps à vider ça? chaque fois j'y vais, moi, le parking est plein, fait que je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais de zombie apocalypse, ça va moins magasiner, je suis pas mal sûr. Ouais, non, ça va plus magasiner. Mais en fait, ça va pas magasiner, ça va plus comme rentrer dans le tas. Parce que si tu regardes justement des films comme World War Z, ils font comme « fuck, il y a des zombies, on capote ». Fait qu'ils s'en vont comme à la pharmacie, puis le monde, ils se tirent dedans genre, en pharmacie, puis tout. Fait que si tu vas au Costco, au moment... Parce qu'une des règlements, justement, qui est indiquée dans le Zombie Survival Guide, si tu te fais attaquer... s'il y a une attaque de zombies, reste chez vous. Ne sors pas de chez vous. Ouais, la première vague va passer, puis toi, tu vas avoir survécu. Exactement. Je dis pas de ne pas aller après au Costco. Par contre, en allant au Costco après 3 jours, soit... Tu sais, il y a des bonnes chances qu'ils soient dévalisés puis qu'il reste juste des cannes de petits pois. C'est sûr que c'est mieux que rien, mais ça se peut qu'il reste juste ça. Fait que t'es pas plus avancé vraiment, mais il y a des très bonnes chances que tu meurs si tu vas au Costco dans l'heure qu'il attaque des zombies, parce que juste tu te rendras peut-être même pas. Là. Ouais, c'est clair. Ouais, puis là, faut que tu fasses attention aussi, parce que là, tu rentres au Costco puis tout ce qui reste, c'est des cannes de petits pois. Des cannes de petits pois, c'est bon à manger puis ça peut toffer longtemps, mais là, t'as pas d'opener. Ben, ils doivent en vendre chez Costco. Ouais, mais ils vendent ça en paquet de 20. Puis là, ça va être emballé sous vide, puis t'es pas capable d'ouvrir ça si t'as pas de ciseaux. Puis là, tout le monde est parti avec les ciseaux. Fait que là, t'es. Ouais, c'est ça. Les ciseaux sont emballés sous vide aussi, puis là, t'as un catch-22, là. Ça finit plus, là. Fait que là, t'es assis dans ta rangée chez Costco avec tes cannes de petits pois, puis tes emballages sous vide, ton can opener, puis tes ciseaux, puis là, ben, tu dis que tu vas mourir, là. J'ai pas réussi à ouvrir. Tu meurs avec la canne de petits pois sur tes jambes, puis là, tu sais, comme, t'en rêvais. Mais jamais, tu vas pouvoir manger les petits pois le sieur. Ouais. Un jour. Ouais, un jour peut-être. Mais non, c'est des choses comme ça qui arrivent dans un Costco. Sinon, quelle capacité qui permet de survivre? C'est quoi que vous dites, là, moi, ça me prend ça pour être capable de survivre. C'est de l'habileté qu'il faudrait tous développer en cas de zombie apocalypse. Mais théoriquement, si tu cours vite et t'as une bonne endurance, t'as déjà une longueur d'avance. Ouais, Zombieland nous l'a dit, hein? C'est l'endurance. Si t'es flash dans l'autre film, t'es mort en train de... Un zombie qui va te faire une jambette, ça va être terminé. Même pas, il va avoir un cadavre à terre puis tu vas t'en faire jeter dedans. Sûrement, ouais. Fait que ça compte pas, là. Mais si vraiment t'es capable de courir vite et t'as pas un poids chiche comme cerveau, tu devrais pouvoir t'en sortir, là. Mais je dirais plus peut-être même pas courir vite, comme tu dis, l'endurance. Parce qu'un zombie, tu l'as dit, JB, ça court pas vraiment, c'est assez lent. Ben, nos zombies courent pas. Non, les vrais zombies, à la base, c'est... Je dis pas que c'est... Puis là, quand je dis vrais zombies, je vais pas m'attirer de la hate, là. Je suis un grand fan de 28 Days Later, je suis un grand fan de World War Z, pour vrai. Mais des vrais zombies, entre guillemets, c'est des zombies qui sont lents, c'est des gens qui sont morts. Ça fait qu'ils sont juste pas là. Je suis content que tu mettes ça entre guillemets aussi, quand tu dis les vrais zombies. Ouais, je prends pas de chance, je mets des guillemets parce que c'est sûr qu'à la base, des vrais zombies, je vais le dire, mais ça n'existe pas. Non, mais, déception! C'est moins honnête. Ouais, c'est ça. C'est sûr que bien ça, là, ça existe. Mais non, c'est ça. Fait que, c'est quoi que je disais? Oui. Que les vrais zombies courent pas, là. Courent pas, exactement. Ouais. Donc, si tu cours pas vite, mais que t'es capable de courir longtemps, ben c'est l'idéal, dans le fond. Donc, les marathoniens sont winners là-dedans. Là. Exactement. C'est pour ça que une des choses qui est vraiment winner, c'est d'être du Kenya. En partant, tu vas être vraiment... ça va bien aller si tu viens du Kenya. Si tu viens de toute façon, du Kenya... ça fait des zombies fragiles parce qu'il y a quasiment juste la peau sur les os. Fait ouais. Côté pauvre, c'est tranquille. Exactement. Il y a moins de... Leur gras puis leurs muscles qui pourrissent moins longtemps, fait qu'ils vivent moins longtemps, les zombies. Dans le fond, déménagez donc au Kenya, ça va être réglé, vous allez se revivre. Il fait chaud, par exemple, ça sent le barbecue, là, quand en zombie apocalypse, là, ça... Ça peut être un lion qui te finit au lieu d'un zombie. Ouais, c'est ça, là, tu rajoutes des ennemis, là. Ouais. Je suis pas sûr... Ça court un petit peu plus vite, là. Un lion, ça court. Ouais, pas vrai, un lion, ça dort, puis ça se prélasse, puis une lionne, ça court, puis ça va te pogner. Moi, je me disais savoir tirer à l'arc. Oui. Ou arbalète, là, quelque chose d'utile de même, qui est capable de tirer à distance, mais qui fait pas de bruit, qui te permet de chasser. Je pense que c'est une habileté de base. Moi, je suis un team Shane là, dans Walking Dead. Là. Ouais, puis être capable de te faire tes propres flèches avec ce qui te tombe sous la main aussi, parce qu'on s'entend que t'as beau avoir 4 flèches dans ton carquois, après 4, t'es mieux d'aller chercher. Capable d'aller les ramasser, là. Ouais. Bon, là, je vais juste te corriger JP, là, qui a dit Team Shane, c'est Team Daryl en passant. Ah, Daryl, excusez. Bon, puis... excusez. Tu sais, j'ai tellement m'attiré, genre, comme si j'étais un espèce de gars qui correction. Je suis comme un Walking Dead nazi, là. Mais, tu sais, le fact-checker, là, comme dans WoW, là. Mais pour corriger Luc, Daryl, il a 4 flèches, mais il va tout le temps les rechercher. Il y en a il y a comme un infinite arrow cheat. Parce que il y en a 4, mais il va tout le temps les rechercher dans la tête du zombie. Puis il a le temps d'aller la chercher. Là, tu me fais penser à de quoi, là, en parlant de cheat, là. Mm-hmm. Moi, là, je vous ai écouté, là, dans Spoiler Alert QC. Puis, à un moment donné, vous vous êtes posé la question, comment ça se fait que personne meurt quand il n'est pas à caméra? Et ça m'a amené la réflexion. Dans une zombie apocalypse, je spot la place où est-ce qu'il y a zéro caméra. Je reste là, c'est impossible de mourir. Parce que dans la vraie vie, comme à la télévision, si t'es pas à caméra, tu peux pas mourir. C'est impossible. Mm-hmm. Il y a comme un safety off-screen zone, là. Tu peux pas mourir si t'es pas à caméra. Fait que moi, je pogne l'angle mort de toutes les caméras, je me mets là, pis t'as pas le choix. Tu survives, c'est sûr. Ouais. En effet. Puis si t'es dans Walking Dead, je vais pousser plus loin. Si t'es dans Walking Dead, là, tu vois des trucs qui sont évidents qu'il y a de Walking Dead. Mettons, tu vois Rick. Puis avant de commencer à jaser avec ton monde puis avoir une nouvelle aventure, tu vois ce qui s'était passé la semaine d'avant. T'es comme un rewind de la semaine passée. T'as un gars qui dit Last Week in The Walking Dead. Là, tu dis, là, c'est quelque chose qui marche pas. Si t'es dans The Walking Dead, tu tiens avec Rick, tu tiens avec d'autres personnages intéressants. Michel, des affaires de même. Ouais, j'espère que t'es pas noir. Parce que tous les noirs meurent dans The Walking Dead. Okay. Fait que si t'es noir, t'as le droit de light. Quitte ce groupe-là. Ouais, va-t'en ailleurs. Va-t'en dans un autre groupe, puis tu vas être correct probablement. Donne-toi pas le groupe d'essayer de survivre. Ouais, demande d'être transféré dans une autre série. Oui. Va-t'en dans Z-Nation. Là, ta carrière va prendre un petit coup, là, mais au moins dans Z-Nation, t'as peut-être plus de chances de t'en sortir. Ouais. Mais je veux dire, déjà là, si t'es dans Walking Dead, tu veux savoir si ton personnage meurt, puis déjouer la mort, lis le script. Oui. Ouais, en partant. Exactement. Ouais, mais là, t'es comme trop méta. Là. T'es comme, t'as rien de traverser le quatrième mur. Là, fait que ça marche plus. Là. OK. si vous aviez. Là, j'ai dit, moi, je suis Team Shane. Puis c'est pas vrai. Là, c'est Team Daryl, finalement. Ouais. si vous aviez un personnage à copier là, que vous voudriez. Ce serait votre modèle pour une zombie apocalypse. Qui vous prenez? Pourquoi? Tant qu'à être là. Je vais parler de The Walking Dead. Moi, je vais être Michonne. Je lève la main, là. C'est moi, j'ai piqué Michonne en premier. Bon. Le pire, c'est que je pense que c'était mon choix. Là. J'ai vraiment un éléphant, un katana, puis elle sait s'en sortir. Regarde, Daryl. La raison, c'est elle a un katana, puis elle sait s'en sortir. Merci, JS, de me souffler les réponses. Il n'y a pas de problème. Regarde, si t'as pris Michonne, je vais prendre Daryl. Parce que, comme tu dis, il s'est servi de son arbalète déjà en partant. Il y a 4 flèches, mais il y en a à l'infini, donc c'est correct. Mais il sait aussi s'en sortir, sans blague. Il sait s'en sortir aussi, mettons, en combat de proche, là, en melee, avec des couteaux, bon, peu importe. Fait que, tu sais, c'est un gars complet. On parlait hors-jeu, là. C'est le genre de joueur que tu veux dans ton team, parce que c'est un gars complet. Il est capable de. Il fait tout. Fait que c'est juste qu'il se lave pas les cheveux, fait qu'il a les cheveux gras tout le temps, puis c'est pas bon. Ouais, mais comme tout le monde dans cet univers-là. Non, parce que Michonne, justement, a pas l'air crasseuse. Lui, il a l'air crasseux. Je pense qu'il a l'air crasseux from the scratch, puis là, il a juste l'air encore plus crasseux. C'est parce que une fille, elle a pas le droit d'avoir l'air crasseuse. C'est vrai, ça sert. C'est un point. Mais fais attention, là, tu vas attirer... là, il va y avoir des hashtags genre... Gamergate qui vont réapparaître. Zombiegate. C'est une connerie de même pareil. Il faut toujours que les filles aient l'air super cute puis sexy à la TV, ouais. Tandis que les gars, c'est pas grave. Personnage dans The Walking Dead qui était pas de qui était pas dans ce moule-là, puis était pas laide, là, c'était Andrea. Elle était tout le temps un peu dégueulasse, justement, parce qu'elle était sale, puis elle faisait tout le temps dans l'action, puis tout. Puis ça, c'était quelque chose que j'appréciais, justement. Elle était pas dans cette espèce de stéréotype de fille qui s'est clairement lavé les cheveux le matin même, là. Moi, je suis tellement déçu, là. Parce que si t'as lu les BD, Andrea, c'est tellement pas ce qui se passe avec elle. Là. En tout cas, je dis ça de même. T'as raison. On n'ira pas plus loin, mais t'as raison. Après tout le temps de se faire les ongles avant de partir chasser. Non, c'est pas ça du tout. Ils ont vraiment changé. Les deux histoires sont complètement différentes pour ce personnage-là. Là. Ouais, pour une fois qu'il y avait un personnage féminin badass, puis en tout cas, peu importe. Je suis un peu déçu de comment est-ce qu'elle est morte en plus. Là. C'était vraiment idiot. Mais bon. Elle est morte. Ça brise mon cœur. Ah. Fait que toi, Luc, tu prends qui? Moi, je serais Darth Vader. Ah, nice! J'avoue que Darth Vader, dans un monde post-apocalyptique, c'est A1. Ah, il y a des zombies là-bas, ben je vois comme les faire voler. Voilà. Ben là, avec un sabre laser, tu coupes tout. Mm-hmm. Puis, je veux dire, qui essaie de me manger la cervelle avec un gros casse en plastique. impossible. Ah, tu m'as mordu ma jambe en métal. Ah, tu m'as mordu mon bras en métal. C'est comme un classique, là. Et voilà. Donc. Réponse à tout. Je suis Darth Vader. Tant qu'à ça, je vais être Superman. Là, t'sais. T'sais, je comme... Vous avez cheaté un peu. Ouais, ça compte plus. Là. Je peux pas te nommer un personnage de Walking Dead. J'écoute pas Walking Dead. Mais je pensais, je pensais que t'allais me dire Will Smith. I'm a legend. Mais je vais être le chien. C'est bon. Non, je vais être le chien. Moi, j'aurais pu dire Will Smith, parce que je veux pas être le père à Jaden. Fait que... Oh! t'as déjà assez du tien, hein? Ouais, toi, ben. Vive le mien, Jaden Smith. Mettons. Déjà, il n'y a pas Jaden, fait que déjà ton gars, il part déjà avec un upgrade. Ouais, il n'y a pas son cash non plus, ça, c'est un petit peu. Ouais, mais c'est un peu la faute de son père, hein? Non, peut-être. Peut-être aussi, ouais. Mais. J'étais censé faire, juste inside demain, j'étais censé faire un. Jackson Festival, ouais, je cherchais le nom. Puis le premier film de Jackson, j'ai écouté, c'est Karate Kid. Je fais comme, oh non. Ça a pris le bord, hein. Ça a pris le bord. Mauvaise idée. Ouais. Que... Mais non, j'aurais pu être le personnage de Brad Pitt aussi dans World War Z. Il est quand même popé. Il est intelligent, il est badass, c'est un scientifique. Il trouve des solutions. Tu sais. C'est quand même popé. Hein, mais ouais. je reste avec Darth Vader. Reste avec Darth Vader, c'est bon. tu m'as pas donné de barème. T'as pas voulu nous dire de quoi tu voulais parler si tu voulais t'en aller avant le show. Vis avec ma réponse. J'avoue. J'avais préparé genre tes méchants plans. Genre, j'avais tout. Ben vas-y, pitch, là, parce que moi, oui, j'ai dit le mien, là, puis que fait comme pas mal l'unanimité parce que c'est super brillant, parce que c'est moi qui le dis. Right? Ouais, c'est oh, clair. Right? Tout à fait. Avant que je sur le petit téléphone rouge puis que je disparais dans la conversation, je vais dire oui. Même si c'est mon personnage qui vivrait le plus longtemps. Ouais, sûrement. Ouais. Fait que là, ben, vas-y. Il n'y a plus rien de bon à manger après Darth Vader, de toute façon. C'est clair. Vas-y que tes plans moins bons, Jess. Il y a deux plans, OK? Dans le fond, il y a le plan idéal puis le plan réaliste, OK? Le plan idéal. Ouais. T'es préparé. Parce que ce qu'ils disent, dans le fond, c'est qu'il faut vraiment que tu te prépares bien. Fait que t'as du stock pour... T'es un med kit en bon français. T'as de la bouffe un peu de côté, de l'eau, pis tout. Tu te prépares. Comme là, nous, on est tous prêts, on s'entend. Là. On est tous prêts pour ça. Ah, on ouais, a tout ouais, notre ouais, stock ouais. Parce qu'on le sait que ça va arriver. J'ai tout prévu ça, c'est clair. Exactement. D'ailleurs, dans ton demi-sous-sol, là, A1. ensuite, si... Là, l'apocalypse arrive... Tu as tout préparé tes affaires, tu as ton stock, tu as même une espèce de. Pas une armure, là, mais tu as comme. Tu t'es acheté du Kevlar puis tout pour te protéger comme faux. Fait que tu es prêt. Tu as un katana. Tu as un arbalète. Ou un gun silencieux avec un infinite ammo cheat, comme dans Walking Dead, fait que t'es correct. Tu as un camion de Garda. Avec un infinite fuel cheat maintenant. Donc, ok, ouais. De gaz, parce que c'est, même ça marche dans Walking Dead aussi. Ouais, ouais. Même si vous êtes bien écolo, un peu comme moi, là, un char électrique, c'est pas une bonne idée. Non, c'est ça. Ben, tu peux en avoir un, mais ça te sent pas loin. S'il recharge au solaire, là, t'es en business. Ah, ouais, c'est pas vrai. Mais là. Ça prend pas un zombie apocalypse où est-ce que la Terre a plus de soleil. Ça existe des camions Garda électriques? Je penserais pas, non. Non, non ils ont besoin d'avancer. Puis à cause du poids, tu irais pas bien loin. Mais, Parce que c'est ça le problème, c'est que 100 livres, t'es no offense, c'est un char cool. Mais 100 livres, dans un zombie, elle pourrait s'achenoter parce que les zombies, ils vont comme. Ils peuvent péter vite, pis tout. Parce qu'un camion Garda, ben, t'es safe. Non, oh, c'est clair que c'est solide. Ben. Dans un monde idéal, t'as un infinite shield cheat, un infinite ammo cheat, t'as ton camion Garda, pis t'as un petit groupe. Faut pas que tu sois 22 personnes, t'es juste 5-6 personnes, que tout le monde apporte quelque chose d'intéressant, comme dans, mettons, le jeu State of Decay, exemple, où c'est que tu vas te chercher des gens qui ont tous un talent en particulier. Quelqu'un qui est plus un médic. Quelqu'un donc, qui est plus... ça prend pas d'enfant. Si t'as un enfant, il faut que ce soit comme un enfant comme Carl dans The Walking Dead, que c'est un gars qui est un peu badass. Donc, il est peut-être 10, 11, 12, 13 ans, dépendamment de quelle série, de quelle saison que t'es. Il faut qu'il soit un peu badass, puis qu'il soit pas une espèce de petit plunger poche. Après, être Clémentine. Clémentine aussi, c'est un bon exemple. C'est un personnage intéressant. Ouais, quand même, pas pire. Exactement. Donc, dans un monde idéal, c'est ça. Ton groupe est bien entraîné. Ton groupe, tout le monde sert à quelque chose. T'as ton camion garda, t'as la paix. Bon, maintenant, on n'est pas dans un scénario de Walking Dead, on s'entend, là. On est dans la réalité. Fait qu'il n'y a pas d'infinite ammo cheat. Il n'y a pas d'infinite fuel cheat non plus. Non. Donc, ta protection, t'es au Québec. Ta protection, tu peux mettre du stock de hockey. Donc, c'est vrai. Ou de football. Ou de football, whatever, exactement. Donc, c'est sûr que ça ne te protège pas à 100%. Tu peux te faire pogner le coude, tu sais, des affaires comme ça. Mais tu es quand même protégé l'avant-bras, les épaules, ces choses-là. Fait que tu as quand même une certaine protection qui est quand même assez intéressante. Pour les armes, à défaut d'avoir un katana qui ne se vend pas vraiment là, dans les pawn shops ici, là, tu peux acheter une machette. Ouais, donc, mais il y a plein de. Tu vois, dans les pawn shops, il y a plein d'armes décoratives médiévales pas affûtées, là. Ouais, qui coupe ça, pas. Ça se réalise, là. Ouais, ça coupe pas. Mais c'est un bruit de départ. Tu vas avoir de l'air badass, ça file, là. Ouais, mais avoir l'air badass avec des zombies, ça marche pas. Parce qu'avoir une machette, ça coupe. Okay. Tu peux acheter ça dans un magasin de chasse, ça coûte 50$, t'as ça, c'est réglé. J'avoue. Ouais, puis j'ai vu du monde en Jamaïque, ça servait de machette, puis m'a dit une affaire. Quand c'est affûté comme du monde, ça coupe en petit peu pire. Exactement, exactement. Puis on n'est pas, je rappelle, on n'est pas dans The Walking Dead, mais on n'est pas non plus dans Dying Light. Ou dans Dead Island, où ce qu'une machette dure 6 coups, après ça la pète. Techniquement, non, c'est ça. Techniquement, ça dure longtemps, une machette. Fait que t'as la pète. Un bat de baseball en aluminium aussi, c'est une bonne idée. Ouais, sauf que c'est pas assez bon pour, comme, d'une shot, tuer un zombie. Faut que tu fasses, comme, plusieurs fois. À moins que tu sois dans The Walking Dead, puis les faces soient en rubber, là. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses trop souvent. Je dis pas que c'est mauvais, là, un bat de baseball. C'est mieux ça qu'un coup de poing. Mais c'est parce que tu peux pas ouvrir de canne non plus avec, là. L'avantage de la machette, c'est qu'il y a un bout de. T'sais, tu peux t'en servir de couper ton steak, là. Exactement. Je suis pas sûr que tu vas t'en servir de couper ton steak après avoir décapité des zombies. Juste de même. Ouais, tu le laves. On a toujours une petite bouteille de Purell, voyons. Ben oui, c'est partie du kit de médecine. J'avais ça dans mon kit, moi. Voyons. C'est sûr. Tu l'as pas dit, mais c'était sous-entendu. C'était là, c'était là. Ouais, toujours. Autre chose qui est importante d'avoir, juste vous dire, c'est un pied de biche. Donc un crowbar en bon français. J'avoue. Parce que ça, c'est fort pour tuer les zombies, mais ça va te servir pour multiples autres raisons aussi. Puis là encore, faut dire que c'est pas une crowbar de Dead Island. Ben hein? Non. On s'entend là, qui dure 5 coups. 5 coups, là. Exactement. Non. Comme dans State of Decay, justement, que j'étais comme, yes, j'ai une crowbar, je suis cool. Puis que je donne peut-être, là, j'exagère avec 5 coups, mais mettons, peut-être 40 coups, puis elle pète. Non, une crowbar, ça dure à l'infini. Je suis désolé, là. Ça pète pas, c'est en acier. Fait que, c'est assez dur à répéter. Exactement. Effectivement. Pour l'arme de loin, c'est dur au Québec, une arbalète. Je dis pas que ça existe pas, mais c'est plus difficile à avoir. Si t'es capable d'en avoir une ou un arc à flèche, c'est l'idéal. Il y a plein de genre les cotons, des affaires de même là, avec les trucs de chasse. Là. T'es capable d'avoir ça? Ça se vend plus que des armes là, en général. Fait que je pense que si tu peux trouver ça, si t'es pas capable, tu peux trouver une arme de chasse en général, tu vas en trouver, comme tu disais, JB plus tôt. Par contre, c'est bruyant, il faut faire attention. Puis bon, un truc de garda, ça se trouve pas, là, on s'entend, tu peux pas voler ça de même. Fait que je vais aller complètement dans une autre direction. Tu te prends un vélo. Un vélo, ça dure comme à l'infini, à moins que tu sais que tu peux le briser puis tout là. Mais je veux dire, à la base, ça dure vraiment longtemps. Il y a pas de gaz, il y a pas de problème avec ça. Puis en plus, tu te gardes en forme parce qu'une des choses qui est très importante dans un apocalypse zombie, il faut que tu restes en forme. Si tu l'es pas, ben il faut que tu deviennes en forme parce que sinon tu vas mourir. Je suis dans la merde. C'est ça, je m'inclus là-dedans. Là. Fait que tu prends ton vélo, puis des vélos, il y en a un peu partout. Fait qu'au pire, si ton vélo pète, il y a des bonnes chances que tu peux s'en trouver un autre. Fait que tu sais, c'est quand même. Sur l'île de Montréal, il y en a partout, gratuit, tout le temps. Ouais, il y a des Bixi, mais là, Bixi, il faut que tu réussisses à le sortir de son socket. Faut que tu payes 25 cents, c'est compliqué. Ouais, puis si tu le rapportes après un certain temps. C'est ça, tu le ramènes. Là, la ville te court après. Puis ben même dans une zombie apocalypse, c'est clair que le Mike O'Dare décrochera pas, là. Ben là, c'est pas parce qu'il y a un zombie apocalypse que la ville est moins dans le trou. Là. Fait qu'il faut absolument qu'ils ramènent de l'argent. Là. Ils n'ont pas le choix. Puis finalement, dernière stratégie, là, comme je disais, dans un scénario idéal, tu avais une gang de monde qui sont entraînés, qui servent tout à quelque chose. Dans la vraie vie, c'est pas toujours facile de se trouver des amis qui sont bons dans tout. Moi, même dans mes amis, il y a des amis qui ne me serviraient pas en tout. Je pense qu'il y a moi-même dans mes amis, il y a des amis qui ne servent à rien. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu ça. Moi, je connais des amis qui sont bons à rien. Exactement. En tout cas, qui sont bons à rien dans un zombie apocalypse. Tu sais, qui sont très bons quand c'est le temps de savoir comment cuire un steak, mais tu sais, ça sert pas tant que ça. Tu sais, faire des raids à WoW, c'est pas si utile. Non, exactement. Dans la vraie vie d'un zombie apocalypse, c'est ordinaire, tu sais. Non, mais des amis qui sont bons à rien, c'est super pratique dans un zombie apocalypse. Tu l'assommes, tu dis, ou tu lui dis couche-toi là deux minutes, on finit à l'heure. T'as compris. Il sert de l'heure. Tu m'as spoilé. Moi, ma stratégie, okay, c'était d'avoir, dans le fond, moi, je suis en forme, mettons, à 50% de la forme idéale. Faut que je me trouve des amis qui sont moins en forme que moi. Comme une belle fille dans un bar qui s'entoure de filles laides pour paraître plus belle. Ok, moi, je comprends. Exactement. De JB. Je sais pas, j'ai même pas vu JB, je sais pas exactement. C'est là. Mais JB, mettons, peu importe c'est qui, là. Ouais, faut que tu trouves des amis qui sont moins en forme que toi. Comme ça, ah, des zombies arrivent, là, tout le monde part à courir, eux autres, ben, ils restent en arrière, puis ben, ils se font manger. Fait que t'as la paix. Là, faut que tu te refasses des amis après ça, c'est ça le bout de compliqué, là. Ouais, mais les amis, justement, c'est des pas bons. Fait que, ils te servent à rien, ils font juste te ralentir. Par contre, il faut que tu fasses attention, il ne faut pas que toi, tu deviennes l'ami loser. C'est ça. Parce que là, si tu deviens l'ami loser, soit que tu vas te faire manger, ou soit qu'il faut que tu te sépares avant de te faire manger. Il faut que tu t'en ailles puis tu restes tout seul. Parce que plus que tu es de monde, plus que tu attires les zombies. Fait qu'il y a comme une espèce de. Ouais, c'est ça, il faut faire attention aux gens bêtes, là. C'est pas mal ça, mais mes deux scénarios, là, un préparé idéal et l'autre, ben, tu fais ce que tu peux au Québec avec ce que tu peux avoir. Ouais. OK, quand même. Intéressant. Ouais. Intéressant. Ouais, avez-vous d'autres idées, vous autres? Parce que moi, j'ai parlé pas mal. Mais... Ben, moi, j'ai dit à la mienne, là, mais Luc, là, toi, t'as jamais parlé de ton plan de contention. À part être Darth Vader. Là. Ben, j'en ai à part cheater, là. En plus, si je suis Darth Vader, j'ai un vaisseau m'amener dans l'espace. Je pense que c'est dessus du zombie apocalypse, un grand dans l'espace. On a dit que les zombies n'étaient pas capables de grimper. Non, mais tu sais, je sais pas. Tu t'en vas aux États-Unis dans un Weight Watcher, dans une pizzeria. tu ramasses tout le monde dans un autobus, puis tu t'en sers comme l'heure quand ça te tente. Il arrive des zombies, t'en drop un, puis... tu te sauves, je sais pas. Non, mais j'ai malheureusement pas le temps de penser à des affaires de même. Je vais probablement être le premier à mourir, de toute façon. Ben, quand même, t'es en shape. Ouais, mais... Tu vas probablement être l'idiot que tu droppes. Peut-être, je suis un bon snack. Hey, Luc! Hey, tu vas m'aider! Va, ouais, ouais. Laisse-toi ici, t'attends, je reviens. OK. J'ai hâte que Luc revienne avec sa surprise. Ça va être tellement plaisant. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, on pourrait y aller avec peut-être une nomination. Je ne sais pas si on peut y aller jusqu'à un top 3 ou top 5, selon votre guise. Du matériel zombie. Qu'est-ce que vous avez écouté et que vous avez le plus apprécié pour les amateurs de zombies qui voudraient ou qui ne connaîtraient pas le meilleur du zombie? On veut les aider à trouver qu'est-ce qui se fait de mieux. Qui veut commencer? Est-ce que vous avez une liste en tête? Je peux te donner des idées sans avoir de top en tant que tel parce que j'ai pas d'ordre. Je m'étais même pas préparé à ça. Fait que je sais pas pourquoi parce que d'ailleurs, c'était une question qui allait probablement être posée puis j'ai même pas pensé à ça. Moi, je penserais au Dawn of the Dead des années 70. OK. C'est un bon film. Il y a Land of the Dead qui a été repris, qui est une espèce de remake, je crois, de Dawn of the Dead. Land of the Dead est sorti genre dans les années 90, fin 90, fait que c'est super bon ça aussi. Sinon, il y a The Walking Dead. Je pouvais pas skipper ça. Ouais, The Walking Dead c'est super bon. Quand on voit des zombies qui courent, il y a 28 Days Later puis 28 Weeks Later qui est super bon. C'est pas des zombies par contre, c'est vraiment dans cette idée là. Des infectés. C'est des infectés, mais ils sont même pas morts. C'est ça l'affaire. C'est que c'est des gens qui sont juste comme ils ont comme la rage. Genre. Fait qu'ils sont pas morts. Fait que le spoiler pour le premier film, ben, je peux-tu spoiler le premier film? Ben je oui, pourrais, vas-y, vas-y. Ben oui. Le film est sorti il y a bien longtemps. Fait que, spoiler, dans le fond, le film finit que les, entre guillemets, zombies meurent tous de faim, justement. OK. Parce qu'ils sont pas morts. Ils sont juste comme enragés. Fait qu'à un moment donné, ils n'ont plus rien à manger. Fait qu'ils meurent. C'est ça. Fait que la fin est un peu poche, un peu, mais le reste du film est super bon pour ça. Puis le deuxième film, ben, ça progresse. Là. Il y a d'autres choses. Fait que ça, c'est cool aussi. Sinon, je niaise souvent Z Nation qui est sur Netflix actuellement. C'est pas bon. C'est cheesy. C'est un peu cucu. Mais tu tombes addict. Fait que quelqu'un qui s'ennuie de The Walking Dead, qui a tout vu The Walking Dead, puis qui aime le truc un peu à la sauce CW, Z Nation peut. un peu attirer ces gens-là. Puis je vais pas complètement bâcher la série, c'est quand même intéressant. Là. Fait que je le conseille quand même au monde. Mais j'ai pas d'autres choses présentement qui me viennent en tête. Il y en a peut-être d'autres qui vont me venir en tête. Si c'est le cas, je vous le dirai à la fin de l'émission. Là. Je vais vous laisser, le chemin libre. Luc, es-tu prêt à faire un top ou de mention spéciale? De ben, moi, j'ai dit contenu. Hein. Je reste quand même vague. Ouais, ben, j'ai bien aimé aussi. J'ai de la misère à me rappeler quel des deux. Là, c'était quoi, t'avais dit Dead. The Walking Dead? Non, il y a les vieux films. Le Dawn of the Dead puis Land of the Dead? Ouais, je me rappelle un film des années 80, je pense, qu'il avait refait. Puis c'était ça, c'était un film de zombies comme ça. J'avais trouvé ça popé, j'avais trouvé ça intéressant. Moi, j'ai adoré Zombieland. Ah, ben oui! Fait que Zombieland, pour moi, c'est un des moi, c'est dans mon top, films classiques. Là. Il est bon à tellement de niveaux, ce film-là. Ouais, je suis pas un grand consommateur de films de zombies, mais j'ai pas détesté World War Z avec Brad Pitt. J'aurais peut-être mis quelqu'un d'autre que Brad Pitt dans le rôle titre, là, mais il est quand même pas pire. Puis le film est intéressant. Le fait que qu'il y a certaines personnes qui sont immunisées, puis que ça peut se guérir, des choses comme ça, j'avais trouvé ça. C'est une twist un petit peu différente de t'es un zombie et tu vas le rester. Là, fait que ça serait pas mal ça. Moi, je dirais, je commencerais par un jeu, The Last of Us. Ok. Moi, c'est dans mes tops, là, pour itération de zombies. C'est des infectés, là, avec des plantes, là. En tout cas, c'est particulier. Mais, sincèrement, c'est le genre de jeu que je suis arrivé à la fin, puis je spoilerai pas, parce que le jeu est quand même assez récent, puis il vient de ressortir sur PS4. Mais, à la fin, j'ai lâché la manette, puis j'ai fait comme, non, je veux pas le finir, parce qu'on me donnait pas le choix de qu'est-ce que l'histoire était pour faire. Ça m'a pris un temps à accepter que c'était ça qu'on allait faire, qu'on allait me faire faire, parce que moi, c'était pas l'histoire que moi, je voulais raconter, mais à un moment donné, comme dans un film, certains jeux vidéo ont des trames narratives et les créateurs, ils ont des histoires qu'ils veulent raconter, et ça, ben, c'était pas celle que moi, j'avais prévue, puis ça m'avait fait mal à l'intérieur de finir ce jeu-là. À ce point-là, comment ça m'avait pris au trip. Vraiment, c'est un excellent jeu, c'est à essayer. Après ça, ben Walking Dead, je pense que c'est une belle référence, c'est une belle façon de l'approcher, puis on se rend compte que le zombie, s'il est pas en masse, t'es capable de survivre, puis moi, j'ai arrêté d'avoir peur. Là. Quand il y en a en bas de 10, j'ai arrêté d'avoir la chienne. Fait que je pense que les humains devraient arrêter d'avoir la chienne, puis ils devraient prendre... Tu sais, là, celui... JS va pouvoir plus m'aider, là, je connais pas son nom, mais celui qui accueille... comment que c'est Rick, lors du premier show, là, puis il pense qu'il est un zombie, finalement c'est pas un zombie, puis il est avec son fils, puis on le revoit un petit peu plus tard, puis il est full badass avec des armures, puis il fait plein de pièges. Là. Ouais, son nom, je crois que c'est Morgan, mais là j'ai comme un blanc qui me vient de... Ouais, mais tu sais, c'est un personnage que tout le monde adore dans cette série-là, même si on l'a vu. Tellement pas souvent. Pas longtemps, là, c'est ça, exactement. Puis c'est le gars qui semble avoir le mieux compris comment gérer une zombie apocalypse parce qu'il est seul dans son coin, puis il est super badass, puis il fait tout ce qu'il faut. Puis il y a personne qui le copie. De chez eux. Il y a fou, personne là. Qui copie ce qu'il fait. Non. Personne qui a compris comment ça marche. Et après ça, ben, bien sûr, Zombieland, que Luc a dit, moi, c'est clairement mon numéro 1, et de loin. Tellement drôle, tellement le fun, tellement une approche différente. Puis surtout le fait que le personnage principal n'arrête pas de nous dire les règles à suivre dans un cas de zombie apocalypse. Ben, c'est un guide. C'est des règles intelligentes. Sans exactement. Doute, le film est comique, là. On s'entend. Oui. Puis d'ailleurs, je suis d'accord avec vous deux. Zombieland, j'avais complètement oublié. J'ajouterais peut-être Shaun of the Dead à la liste aussi, qui est quand même un bon film comique à la British un peu, ouais. De Simon Pegg, que j'ai bien aimé. Pas aussi bon que Zombieland, mais j'ai trouvé quand même assez solide. Mais Zombieland, je suis d'accord avec toi. C'est le fun, les règles, parce que ça donne ça donne un paquet de règlements qui sont toutes tellement logiques, mais que tu y penses pas sur le coup, là. C'est super bon. Ouais. Puis une petite mention spéciale peut-être pour le jeu Walking Dead. Oui, ça peut que j'ai pas joué. La première saison, j'ai pas joué la deuxième saison, faudrait bien que je m'y mette. Là. Mais la première saison, l'espèce de système de choix qu'il faut que tu fasses, puis que tu vas décider qui va vivre, qui va mourir par bout, puis qui tu vas sauver, puis aussi comment ça finit, qui est pas vraiment à ce que tu vas penser quand tu joues au jeu. Puis il y a certains moments que le jeu est venu me chercher aussi, là. À un moment donné, il faut que tu amputes un gars de sa jambe à coups de hache. Là. M'a dit, en affaire, quand j'ai fini de cette scène-là, j'ai pris un break. Ouais. ce qui est tough avec The Walking Dead en plus, puis ça j'ai remarqué dans la première saison du jeu, là, je parle, c'est que vu que c'est épisodique, je me suis rendu compte que j'étais pas capable de faire un épisode seulement, genre. Tu sais, ça dure, mettons, 2 heures, puis tu fais comme, bon, ben, je vais attendre au prochain qui sort dans 2 mois. Ça me mettait trop comme en maudit, là. Fait que... T'avais le goût de finir... Tu sais, on te fait toujours finir ça sur un... Tu sais, c'est un step, là, c'est quelque chose, là, pour te dire, hey, sois là pour le prochain, là. Mm-hmm. Là, c'est parce que le prochain, il est loin. c'est ça que je trouvais rough, un peu. Puis c'est pas négatif, je veux dire, le jeu est fait demain, puis ça fait justement qu'ils sortent le jeu plus tôt, probablement. Mais justement, j'ai appris. La deuxième saison, moi non plus, je l'ai pas faite, Luc. Mais justement, à Star qui sont toutes sorties, ben je peux toutes les faire d'un coup. Fait que là, je vais apprécier ça encore plus. C'est un 10 heures de pur bonheur. Fait que, Yes. Ça, j'avais fait avec le premier, je l'avais acheté quand il était tout sorti, puis je l'ai passé. Je faisais un épisode par 2 jours à peu près, ou par jour, là, à un moment donné. C'était assez... Mais c'était intense, là, par bout. Mm-hmm. Ce qu'ils te font faire, là, c'est... Il y a plein de monde qui se font infecter, puis c'est pas instantané, ça prend un peu de temps, là. Quand tu crois ou tu crois pas qu'il y a peut-être des enfants qui se sont fait infecter, puis là, faut que tu prennes la décision de savoir ce que tu fais, puis c'est des amis qui se font infecter, puis c'est pas facile comme style de jeu. Là. Si mm-hmm. Vous aimez ça, ça met vos sentiments à l'épreuve par bout. C'est super bien fait. Là. Et à l'inverse, si on allait avec le pire? Ouf! tu peux en sortir rien qu'un comme plusieurs. Là, c'est... Comme tu le sens. Moi, à peu près tous les films de Resident Evil, je les aime pas. OK. Puis mais je les ai même pas toutes vues, là. Je les ai vues peut-être. Ah, moi non plus, j'ai pas toutes vues. Il doit être rendu à 14 à peu près. Là, à un moment donné, j'ai décroché. Là. Ouais, c'est ça. Mais le premier, j'ai trouvé intéressant, mais après ça, j'ai complètement débarqué. J'ai pas trippé sur. Puis c'est parce qu'à un moment donné, l'aspect zombie change, puis c'est plus des zombies, ça devient des espèces de monstres freaks. Puis on dirait que ça me sort complètement du principe des zombies, là. Fait que ça, j'ai pas trippé là-dessus. Comme je dis, je niais souvent Z Nation, fait que je peux pas le nommer. Là. Mais comme je dis, je veux pas dire que c'est de la grosse schnoute, c'est juste tellement cheap qu'il faut que tu te déplogues quand t'écoutes mm-hmm. ça. Sinon, j'ai rien d'autre qui me vient en tête. Je suis sûr qu'il y en aurait plein, là, mais je... House of the Dead, je suis pas un fan. Ok, intéressant. Pourtant, c'est souvent cité dans les tops pour bien des gens, mais c'est correct. C'est chacun son approche puis sa vision par rapport à un produit. Ouais, c'est ça, exactement. C'est bien correct. Luc, je suis pas assez un consommateur de films de zombies pour te donner le plus poche. Ok. Fait que, quelques amis à moi ont écouté Dead Snow. Ah oui, le film avec les zombies nazis, là. Ouais, puis ça a l'air que c'est assez horrible. Moi, je suis tombé sur Netflix sur Abraham Lincoln versus the Zombies. Oh mon Dieu. Et déjà, ça sonne laid. C'est laid, OK? C'est vraiment cheap, là. C'est vraiment très, très ordinaire. Les zombies sont tellement mal faits, puis c'est vraiment particulier. Puis on est dans des lieux comme historiques aux États-Unis pour avoir l'air d'être des années 1600. Puis, tu sais, on peut pas faire de l'action là, tu sais. Fait que t'es tout le temps t'es dans l'environnement, mais dans une pièce fermée. Genre, t'as pas le choix, parce que sinon, tu pourrais pas être là puis faire ta cascade. Et en plus, ce qui est le plus cheap dans tout ça, c'est que aux États-Unis, les films sont à peu près tous doublés en studio. Okay? Il n'y a pas de film où presque t'as le son de la caméra, t'as le son de quand on tourne la scène. C'est tout le temps redoublé, ou presque tous. Et dans ce film-là, le problème, c'est que je pense qu'on a manqué de budget parce qu'il y a juste le personnage d'Abraham Lincoln qui est redoublé en studio. Ce qui veut dire que toutes les autres, il y a de l'écho, c'est flou. Quand t'es entends, quand tu parles, t'entends les bruits de pas ou d'à peu près n'importe quoi. T'es entends, mettons que t'as un personnage qui zozote un petit peu, ben tu vas l'entendre zozoter puis avoir des bruits de bave ou des affaires de même. Puis t'as toilette qui flush en arrière en background. Quasiment là. Puis t'as Abraham quand lui il parle. Abraham, il est là puis il parle de même. Puis c'est super cool. Les autres, c'est comme tout croche. Il y a tellement une différence entre les deux sons. Moi, ça m'a tellement frappé. J'écoutais ça avec ma blonde, puis pour vrai, on l'a pas fini. Là. On a écouté les 15 premières minutes, puis on a fait comme, ça va-tu vraiment être de même tout le long? On a avancé genre une demi-heure plus tard, puis on a fait comme, oh oui, c'est encore de même, puis c'est aussi proche. On arrête. C'est tellement comme ordinaire. Puis là, les zombies, ben vu que t'as pas de technologie, vu que tu peux pas te rendre super loin, ben faut pas qu'ils tuent tout le monde trop rapidement, tu sais. Fait que là, c'est des zombies tellement pas efficaces. Là. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un mélange qui est très, très ordinaire, c'est à ne pas écouter. Un film qui est pas pire aussi, que j'ai oublié de mentionner, c'est Warm Bodies. Ah, que j'avais trouvé tellement mauvais. Je l'ai pas aimé, moi non plus. Ben, c'est pas si mauvais que ça. C'est une twist différente sur... Roméo et Juliette, zombie, là. Ouais, un peu, mais j'avais trouvé l'univers quand même intéressant. Puis c'est sûr, c'est le fun de voir Montréal en background, parce que ça a été tourné en partie à Montréal. Puis il y a des scènes où c'est ce que la ville que tu vois, c'est Montréal. J'imagine qu'ils ont choisi Montréal à cause des nids de poules puis des affaires de même. C'est moins dur à débattre. T'avais une job moins grande de destruction à faire, là. Mais moi, je l'ai trouvé quand même intéressant. Si vous voulez, il y avait beaucoup de scènes d'aéroport aussi, puis à Montréal, on a eu une qui ne savait pas. Fait que ça aide. C'est un peu ça aussi. C'est un plus. Mais non, j'avais trouvé ça intéressant pareil de voir qu'un zombie peut avoir certains sentiments, des choses comme ça. C'est un peu aussi un film de rédemption, le fait qu'un zombie peut-être devenir plus zombie un jour. J'avais trouvé ça drôle, l'interaction entre les zombies aussi. Moi, je l'ai pas trouvé méchant, mais bon. C'est original, je peux pas dire le contraire. C'est original, ça fait différent de juste des zombies, on va être tués. Le amour de zombies, c'est rare. C'est ça, c'était une twist différente. T'sais, voir deux zombies assis ensemble à un bar d'aéroport où ce qu'il y a. Rien à faire. Et si on jase, le personnage dit on n'a pas des grosses conversations. c'est le bout le plus drôle que j'avais vu. Là. On s'entend que c'est une comédie romantique. Là. Mais il y a quand même des scènes assez intenses de personnes qui se font bouffer. Puis enfin, non, en même temps, c'est la super cute fille avec le zombie beau. Ouais. C'est pas un zombie laid, là. S'il avait été laid, ça aurait pas marché, tu sais, encore là. Stéréotype. C'est un zombie qui a absolument pas de traces de morsure ou peu importe. Non, c'est un fait. Là. Il manque pas d'œil, ni de bras, ni de rien. Il n'y a pas de cicatrice dans la face. Il est beau. C'est un beau zombie. Mais c'est ça. Fraîchement zombifié, j'imagine. Ouais, sûrement. C'est vraiment fait mordre sur une jambe ou quelque chose en même. Ça paraît pas avec ses jeans. Il s'est gratté jusqu'au sang puis il a pogné une écharde. C'est le même que ça a fait. Là. Exactement. Ouais, c'est ça. Il est devenu zombie. Mais bon. Donc, ça fait le tour pour notre spécial zombie. Merci d'avoir acquiescé de l'invitation, JS. Ça m'a fait plaisir. C'est vraiment agréable. Merci de l'invitation. Ah, hein, zombie. Il me semblait que ça n'avait pas été abordé de cette façon-là jusqu'à maintenant. Fait que là, maintenant, chers auditeurs, vous savez comment survivre à une zombie apocalypse. Vous avez tous les trucs. Si vous mourrez dans une zombie apocalypse, venez pas essayer de vous faire rembourser. Exact. Ouais. On ne vous donnera pas votre argent, c'est sûr. JS, si on veut te retrouver, on fait comment? Ah, ben, vous pouvez aller sur Twitter au A commercial JS Chapelot. Je suis très, entre parenthèses, trop souvent là. Donc, je suis disponible pour discuter et ça va me faire plaisir de le faire. Cool! C'est toi qui squattes les bureaux de Twitter. Exactement. Ah, oui. OK. Je me demandais c'était qui. OK. Bon. C'est lui. C'est lui. Toi, Luc! Ben moi, je squatte pas les bureaux de Twitter. Non, je fais ça à distance. Fait que c'est Ascalazormo sur Twitter. Vous pouvez aussi me retrouver sur un simili-merveilleux podcast qui s'appelle le podcast auto où on parle de char. Et puis, vous pouvez me lire sur le blog auto de Kijiji à frkijijiblog.ca dans la section véhicules. Puis, c'est pas mal ça. J'ai un autre podcast aussi, mais là, je me demande quand est-ce qu'il va y avoir un autre ça vaut la peine de le nommer. Jour. Fait qu'à un moment donné, peut-être. D'ailleurs, t'avais un excellent épisode de l'heure et demi, là. Écœurant. Ah, c'est super bon. T'as terminé ça sur un hype. C'est cool. c'est ça qu'ils disent. Ah, mais tant qu'à ça, je vais me plugger, excuse. Ben vas-y, c'est parce que t'étais censé le faire. Moi, j'ai pas relancé. Je me nomme, là, quand j'ai vu que Luc, il nommait son podcast auto, je me dis, ben quoi. Ah ouais, drop tes affaires. Je suis sur un podcast avec l'excellent William Barbeau qui avait passé d'ailleurs sur ton podcast pour un sujet sur 19-2. Ouais. D'ailleurs, on a eu des très bons commentaires à ce show-là. Je pense qu'on le réinvitera plus, on n'est pas habitué. Ouais. Luc était écœurant sans doute. C'était clairement mon meilleur. C'est des bons points, puis tout, c'est vraiment winner. Non, c'est ça. Donc, au Spoiler Alert QC, vous pouvez aller sur Twitter, on est partout, là, sur iTunes, Twitter, Facebook, etc. On parle de séries télé, de films, on parle de zombies, entre autres. Donc, si vous avez apprécié ma douce voix qui est ordinaire, ben vous allez pouvoir entendre ma douce voix ordinaire avec celle de William et celle de Stéphane Deguire, un nouveau collaborateur qu'on a. Donc, c'est pas mal ça. J'ai fini ma plug, je suis désolé. T'es pas sur Parlons Balado aussi? Ah oui, je suis tellement part-time là-dessus que je le nomme pas, mais oui, je suis aussi sur Parlons Balado, un podcast de mon ami Maxime, un bon podcast qui parle de podcasting en général, donc on vous avait reçu quand même assez tôt, je crois, le troisième épisode. Il va falloir revenir, hein, parce qu'on a tellement évolué depuis. Ben, je sais pas si vous avez évolué tant que ça, mais vous êtes invité. Je sais que Maxime, il serait d'accord. Vous êtes invité. Ça serait le fun que Daniel soit là cette fois-là, parce qu'il était pas là la première fois. Donc, On s'en sauvait, là. Daniel, c'est une diva. Il est dur. Ouais, c'est ça. Il faut le payer, c'est ça, l'affaire. Dur à négocier avec. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Fait que, sur Parlons Balado, c'est ça, un bon podcast qui parle de Parlons, ouais. De Balado. Donc, c'est parlonsbalado.com. Allez, on parle de comment parler. Ouais, c'est ça. Je perle. Ouais. Fait que je vous renvoie la rondelle. Parfait. Ben écoute, moi, j'ai hors-jeu un podcast sur le hockey avec Jerry Godbout, sur lequel tu étais venu faire ton tour pour parler du Canadien. Exact. Et on avait bien aimé. Fait que toi aussi, t'es réinvité là, anytime, là, mais qu'on enregistre un moment où est-ce que tu travailles pas. Excellent. Et sinon, ben c'est pas mal ça pour les projets. Vous pouvez chercher sur Twitter @hors-jeu podcast et sur Facebook hors-jeu podcast aussi. Sinon, ben pour la réalité augmentée, je gère les comptes officiels @realityhug et facebook.com/realityhug. On a un courriel outlook.com. realityhug@outlook.com. Mettre en andouette, c'est le fun, non? Ouais, et sinon, ben mon compte personnel sur Facebook, JB Gagné, ou encore sur Twitter @gangj_b. Si vous jasez de Canadiens, si vous jasez de hockey, de politique, de jeux vidéo, de chiolage, en général, vous êtes les bienvenus. J'en parle moi aussi. Nice. Ouais. Ça fait le tour. Ouais. Mais jaser de Canadiens, c'était ici de l'année, ça pourrait. C'est plus tranquille. J'avoue. On a encore de la peine. Voilà qui fait le tour pour l'émission de cette semaine de la réalité augmentée. J'espère que la ride aurait été agréable parce qu'on veut vous avoir avec nous pour le prochain élément. Merci, JS. Merci, Luc. Merci à toi. Et merci tout le monde. Bye bye. À la prochaine. Bye. Bye. Bye.